Animaux. François Fillon, ancien Premier ministre et candidat à la primaire de la droite face à Jean-Jacques Bourdin, demain 8h30 sur RMC et en simultané sur BFM TV. Demain, François Fillon. RMC, Bourdin direct, 6h-10h. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,30€ par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détail des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. Ah, si j'avais le Samsung Galaxy Note 7, je me sentirais important, créatif, artiste. Du 16 août au 1er septembre, le Samsung Galaxy Note 7 est déjà en précommande chez Darty. Profitez-en. Avec le smartphone, Samsung vous offre le casque de réalité virtuelle Gear VR. Samsung Galaxy Note 7, le smartphone qui voit les choses en grand. Voir conditions en magasin ou sur Darty.com. La météo des plages avec les hôtels première classe. Passez une bonne nuit sur la route des vacances. Et je pense que sur les plages de France, ça doit être pas mal du tout aujourd'hui. Bonjour Jérémy Souliman. Et bonjour François, et vous avez raison, globalement le soleil va encore dominer le long des côtes françaises aujourd'hui. Soleil timide sur les plages de la Manche et Bretonne en revanche. Quelques gouttes à prévoir en Bretagne et en Normandie au cours de la journée. Du coup, l'indice UV stagne entre 2 et 4, la mer est fraîche entre 16 et 20 degrés, pas plus. À Saint-Malo par exemple, l'indice UV 4 aujourd'hui, 26 degrés sur le sable et 20 degrés les pieds dans l'eau. Sur la façade atlantique, le soleil sera un petit peu plus présent, de belles éclaircies sont attendues, encore plus en se rapprochant du sud. Indice de 4 à 5 côté UV. L'eau sera un petit peu plus chaude entre 18 et 22. 22, c'est la température de l'eau à Lacanau. Bronze est assuré avec 26 degrés sur la serviette. En Méditerranée, encore soleil, soleil et encore soleil. On sort définitivement la crème solaire. Indice 6, 7 côté UV. 22 à 25 degrés dans l'eau. À Porto Vecchio aussi, vous avez la chance d'y être. Un beau soleil vous attend avec 29 degrés dans l'air. Indice UV à 7 et 25 degrés dans l'eau. Elle est pas belle, la vie? Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 14h, Formule 1, départ du Grand Prix de Belgique. 15h, Football Ligue 1, Bordeaux-Nantes. 17h, Saint-Etienne-Toulouse. Et Première Ligue anglaise, Manchester City-West Ham. Et à 20h45, le choc, Monaco-PSG. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Dans un instant, le retour du week-end des experts, ce sera l'automobile. Il est 8h01. Toute l'actualité maintenant. Claire Cecchiaglini, bonjour Claire. Bonjour. Enfin, un peu de fraîcheur. Fin de la canicule. Météo France lève l'alerte orange sur l'ensemble des départements. Une alerte qui permet chaque année de sauver des vies. Juppé contre Sarkozy. Discours de rassemblement agrémenté d'attaques personnelles sur le fond. Début véritable hier du duel des deux principaux candidats à la primaire de la droite. Football, le cauchemar de Lyon hier. Défaite face à Dijon et blessure de Lacazette. 5 jours que l'on attendait cela. Enfin, le mercure va baisser. Plus aucun département n'est classé en alerte orange ce matin. Un système d'alerte qui fonctionne de mieux en mieux. Patrick Peloux est le président de l'Association des médecins urgentistes. Pour lui, nous avons fait de gros progrès dans la manière d'appréhender les épisodes de canicule. Le scénario est différent de 2003 où on ne connaissait pas et où la population ne savait pas les risques de la canicule. Donc il y a eu une éducation en 13 ans qui est quand même assez considérable et on a une société qui a appris finalement à gérer ces conséquences du réchauffement climatique. Il y a en effet des personnes qui continuaient quand même à faire du sport en pleine chaleur qui ont été victimes de malaise. Il y a eu des personnes avec un petit peu plus, bien entendu, d'infarctus de myocarde, d'embolie pulmonaire, de phlébite, mais on n'est pas sur les mêmes proportions que la canicule de 2003 ou celle de 2006. Patrick Peloux avec Juliette Denoyel. Appelé à l'unité tout en taclant ses adversaires et notamment le principal d'entre eux, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy était hier devant les jeunes républicains au Touquet et Elisa Bertholomé, l'ex-président du parti, s'est donc voulu rassembleur malgré des propositions très à droite formulées cette semaine. On l'attendait critique vis-à-vis de ses adversaires. Pourtant, c'est un appel à l'unité que Nicolas Sarkozy a lancé. L'unité entre tous les candidats à la primaire. Une fois la primaire passée, on aura besoin de tout le monde. De tout le monde ensemble. La question de la primaire, c'est qu'elle ne dérive pas dans des querelles de personnes. Les militants ont encore en tête la guerre qui opposa en 2012 Jean-François Copé et François Fillon. Alors les divisions, non merci. Anne-Marie le souhaite, après la primaire, il faudra à tout prix faire l'union. À la fin, moi je crois quand même que les gens vont être raisonnables et qu'ils vont quand même voir qu'ils n'ont pas tellement le choix entre Le Pen et puis la gauche. S'ils veulent vraiment que la France se redresse, il n'y a pas tellement d'autres possibilités. Mais pour certains, comme Max, si Nicolas Sarkozy gagne la primaire, difficile malgré tout de le soutenir. Ça va être compliqué, je pense, mais ça pourra peut-être se faire. En espérant la faire derrière un autre candidat, ça serait encore mieux. Pour l'instant, Nicolas Sarkozy reste l'un des favoris pour remporter la primaire. Et à quelques centaines de kilomètres de là, Alain Juppé faisait lui sa rentrée politique à Chatou, dans les Yvelines. S'il s'est gardé de citer le nom de Nicolas Sarkozy durant tout son discours, il a bel et bien décoché quelques flèches contre son adversaire, rappelant notamment qu'il fallait toujours refuser d'instrumentaliser les peurs. 6 Français sur 10 ont une mauvaise opinion de Jean-Luc Mélenchon, résultat d'un sondage Odoxa pour Le Parisien. Le candidat à la présidentielle pour le parti de gauche fait lui sa rentrée cet après-midi à Toulouse. C'est l'histoire d'une humiliation et de la bêtise. À Rennes, un homme s'est fait radier de sa banque en raison de l'attitude de son fils autiste, Fabien, 32 ans, à l'âge mental d'un enfant de 2 ans seulement. Alors quand il souhaite se rendre aux toilettes et qu'il se trouve dans la file d'attente de la caisse d'épargne, eh bien il commence à se déboutonner malgré les injonctions de son père. Jean-Claude Guillaume Le Mintier est l'avocat du père de Fabien. Il est stupéfait de la réaction de la banque. Vous avez une discrimination le jour des faits où vous avez un directeur d'agence qui va humilier publiquement son père et son fils autiste. Et le deuxième acte discriminatoire et stigmatisant, c'est le courrier où il est fait état d'inconvenance. Moi, je vois dans l'inconvenance le fait de considérer que le comportement du jeune Fabien ne convient pas à la banque, à l'image qu'elle souhaite renvoyer. Mais là, c'est allé trop loin. Il a été humilié publiquement ce jour-là. Les autres jours, il me dit c'est simplement des regards, mais ce jour-là, j'ai été humilié. S'en prendre à eux, c'est s'en prendre à l'humanité, c'est s'en prendre à nos enfants. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui, à notre époque, ce genre de comportement pouvait encore se produire. En Italie, le dernier bilan du séisme de mercredi fait état de 291 morts. Désormais, retrouver des survivants relèverait du miracle, mais sur place, les secours continuent d'y croire malgré tout. Benoît Bizieux est le responsable de l'équipe des secouristes français. La situation sur zone à Amatrice est délicate du fait que c'est un petit village de montagne, donc avec des rues qui sont assez étroites, tenu des décombres qui jonchent les rues et les bâtiments qui sont encore à moitié debout, ça donne très peu d'espace pour pouvoir travailler. Donc les pelleteuses sont en œuvre avec des équipes de secours qui sont à côté des pelleteuses pour aider au déblaiement, également à aider à récupérer les corps. Il y a peu de chances de trouver des survivants, mais en tout cas actuellement, même quelques jours après, il ne faut surtout pas baisser les bras et continuer le travail de recherche. Benoît Bizieux avec Léa Zachary. Football, un malheur n'arrivant jamais seul. Hier, Lyon a vécu une soirée cauchemardesque lors de la 3e journée de Ligue 1. Alors que les Lyonnais ont perdu hier face au promu Dijon 4-2, l'OL a aussi dû faire face à une défection. Et elle est de taille, c'est celle de l'attaquant Alexandre Lacazette, Vincent Delcaiseau. Oui, avant de sortir sur blessure, Alexandre Lacazette avait causé bien des mots à Olivier Dalloglio et son équipe. Alexandre Lacazette, sur la première mi-temps, nous a fait très mal. Quand il est sorti, il n'y a pas eu le même impact au niveau de leur attaque. Alors quand il n'est pas là, effectivement, pour nous, ça a été mieux. Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, en revanche, se fait plus de soucis pour Alexandre Lacazette et Nabil Fekir. Pour Alexandre, il faut attendre parce que la blessure est fraîche. Pour Nabil, on savait qu'il y avait un risque qu'il faille probablement regarder, nettoyer son articulation. On va prendre la décision demain. Une décision qui sera donc prise aujourd'hui après des examens complémentaires. Tous deux convoqués en équipe de France, il manquerait les matchs contre l'Italie et la Biélorussie en cas de forfait. Les explications de Vincent Delzesco. En rugby, deuxième journée du top 14, victoire de Lyon hier face à Pau, 22-18. Après une défaite la semaine dernière face à Bayonne, les Toulonnais n'avaient pas vraiment le choix, comme l'explique Eric Escande, le demi de mêlée toulonnais. Ouais, c'est vrai qu'on avait la pression avant ce match parce que pour nous il était déterminant, il fallait qu'on gagne à tout prix. Derrière, ça a été un match difficile quand même, malgré la chaleur. Pau nous a compliqué énormément la tâche. Ce qu'il faut retenir sur ce match-là, c'est vraiment la victoire et la détermination, quoi. Cognami, même si tout n'est pas parfait. Fatigué, mais toujours au sommet, 27 médaillés olympiques participaient hier soir au meeting d'athlétisme de Paris au Stade de France. Parmi eux, Renaud Lavillenie, le perchiste vice-champion olympique qui s'est classé premier hier. J'ai rarement vécu un moment de sport aussi intense à Paris et même, je dirais, en général, parce que voilà, j'étais juste défoncé un truc. Mais je donnais pas cher au début de ce que je pouvais faire et puis au final, j'ai réussi à m'appliquer, à faire ce qu'il fallait et à arriver à monter en puissance. Et le public aussi a été juste incroyable parce que il me permettait de me donner l'énergie qui me manquait. Et puis après, la performance, 93, je pensais pas le passer comme ça. Je suis ultra, ultra content, quoi. Renaud Lavilloni au micro de François-Xavier de Châteaufort. Le retour au bercail pour Charline Picon, la championne olympique de planche à voile est rentrée à La Rochelle hier où elle s'entraîne tout au long de l'année. Nicolas Parolorsi. Il flotte comme un air de samba dans les rues de La Rochelle. Sur sa planche à voile, escortée par ses camarades d'entraînement et les plaisanciers, la championne olympique de Rio entre dans le port sous les applaudissements de milliers de personnes. On se rend compte qu'on a touché beaucoup de Rochelais et peut-être même un peu plus, donc c'est vraiment des moments magiques. Présent à ses côtés depuis plus de 15 ans, son entraîneur de toujours, Cédric Leroy, est cette fois-ci en retrait, profitant de l'instant présent et déjà en train de se remémorer des souvenirs gravés à jamais. Explosion de joie, on a pleuré, voilà, très très beau moment, très très beau souvenir. Ouais. Autographes, photos, discours officiels, jamais la véliplanchiste n'avait été autant sollicitée. C'est même pas 4 ans, ça fait 12 ans que je suis en équipe de France et que 12 ans que je peux aller aux Jeux Olympiques. La médaille d'or, c'est l'apothéose d'une carrière. Un bain de foule et une fête populaire qui donnent déjà des idées à Charline Picon pour tenter d'aller conserver son titre olympique aux Jeux de Tokyo dans 4 ans. Vous écoutez RMC, il est 8h, passé de 9 minutes, l'heure de retrouver François Sorel pour les pronostics. Avec un tiercé, quarté, quinté plus, donc cet après-midi à Deauville, Claire, Sébastien Darras fait confiance au 14 Valdaya et au 16 Feel Alive. Brahim Asloum nous conseille le 3 et la Diva et Laurent Guédard, quant à lui, retient pour cet après-midi l'As, London Protocol et le 6 Zapper Cass. Le 14, le 16, le 3, l'As et le 6. Epic Series, la course qui ne s'arrête jamais. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. Il est 8h10, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Et après les animaux, place à l'automobile avec le retour de Jean-Luc Moreau. Et bravo, on l'applaudit très fort. Et bonjour à tous. Il est bronzé, Jean-Luc Moreau, il est superbe. Comment ça va? Bah écoutez, ça va bien, ouais. Ça me fait toujours plaisir d'être là. Et bah écoutez, vous savez quoi, plaisir partagé Jean-Luc. Bah merci monsieur, voilà. François. C'est reparti pour une saison que nous allons passer ensemble, vous le savez. 2 heures dédiées à l'automobile tous les dimanches, 8h-10h, avec comme point d'orgue le mondial de l'auto. Voilà, qui se ça va être dans un petit événement qui aura lieu à Paris à la fin, voilà, du mois. On y verra quelques automobiles. On aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment, ici tant même. Tant que la mairie de Paris n'interdit pas les manifestations automobiles. C'est vrai, parce que ça serait quand même un sacré paradoxe. C'est la prochaine étape, hein, puisque vous savez que les voies sur berge sont fermées avec Paris Plage et qu'il était prévu de ne pas les réouvrir. Exactement. Sauf qu'il y a une enquête qui a été faite qui dit que ça serait une hérésie. Et c'est vrai que ça serait une hérésie. Tout à fait. Ça créerait des embouteillages et de la pollution supplémentaire. C'est en tout cas les conclusions de cette étude. C'est une étude qui n'est que consultative. Hein, oui, oui, bien sûr. Malgré tout, bien sûr. La décision est maintenue. Ouais. Hein. Voilà, la décision est maintenue de garder les voies sur berge fermées. Je trouve ça, voilà. Je trouve ça. Point de suspension. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, peut-être pas dans cette émission, on en reparlera. Au menu de ces 2 heures dédiées à l'automobile, vos questions dans un instant, bien évidemment, au 32-16. On vous attend, hein, Jean-Luc et notre expert auto, il est là pour répondre à toutes vos interrogations liées à l'automobile. Vous changez de véhicule, vous hésitez peut-être entre plusieurs modèles. Problème technique, problème aussi peut-être relationnel avec votre concessionnaire ou votre constructeur. N'hésitez pas, il est là pour ça. Notre bon plan auto tout à l'heure, puis-je être verbalisé si je conduis sous l'emprise de médicaments? Eh oui. Attention, médicaments. Médicaments, je parle pas de drogue. De drogue, hein. Vous me direz, il y a des médicaments qui sont des drogues. Oui. Par exemple, vous, qui êtes quand même une partie de l'année sous morphine. Ah. Est-ce que vous avez le droit de conduire? C'est à force de vous supporter, en fait. C'est ça, oui. J'ai pas trouvé autre chose que ça. Alors oui, vous savez, sur les boîtes de médicaments, en général, une petite voiture dessinée en rouge, quoi. Donc, est-ce qu'on peut être verbalisé si on sait qu'on prend un médicament? Exactement. Qui va diminuer votre attention au volant. On en parlera tout à l'heure. L'essai de la semaine, ce sera la Audi Q7 e-tron. Un maxi SUV. Alors, le mot maxi, il est vraiment adapté. Un engin de 2,5 tonnes qui fait plus de 300 chevaux et qui pourtant est un véhicule écologique et qui a un moteur diesel en plus. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup quand même. Mais il est hybride. Bah, il est hybride, rechargeable, diesel. Oula, pas mal. Bon, j'imagine que le tarif aussi doit être bien sympathique. Oui, il est pareil que le nom de la voiture, il est à rallonge. Il est à rallonge aussi. Et puis, en deuxième partie de ce rendez-vous auto, donc entre 9 et 10, on évoquera les nouveautés de la rentrée, bien évidemment. Vous verrez qu'il y a quelques petites réjouissances qui se trament, hein, Jean-Luc, oui, on peut dire ça comme ça. Oui, oui, non, mais il y a des choses bien, puis il y a des choses un peu moins bien. Voilà. Mais il y a quand même des choses bien. L'actualité de la semaine, ça sera avec automoto.com, bien sûr, et cette semaine, Stanislas Larounet qui sera là. Exactement, on parlera de Peugeot qui va décliner le label GTI même sur les SUV. Voilà. On parlera de la Fiat Tipo 5 portes qui s'attaque au Dacia Duster. Alors, si vous avez prévu d'acheter un véhicule familial à un prix relativement intéressant, il faut rester avec nous. Et puis on parlera des nouveaux radars de la police. Ah, ça concerne ça, tout le monde. Et puis tiens, puisqu'on parle de radar, jolie transition aussi pour vous dire que tout à l'heure on évoquera le guide pour conserver son permis avec Maître Rémi Jossomme, vous le savez, notre avocat spécialisé dans le domaine. Gold member, voilà, qui, de cette émission, qui sera là d'ailleurs pour répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là pour défendre les automobilistes, ce petit guide sortira. On en offrira quand il va sortir. Eh ben, c'est très bien. On en parle dans un instant. Le 3216 auto@rmc.fr. Bienvenue dans ce week-end des experts. Et on accueille pour débuter Frédéric qui est là. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Luc et François. Bonjour Frédéric. Bonjour. Oui. Ben, je vous appelle parce qu'on doit remplacer une de nos voitures et on pense à de l'hybride. D'accord. Vous remplacez quoi pour faire quoi? Là, pour le moment, c'est la voiture de mon épouse. Elle a une Audi A1 et elle va juste. Elle utilise cette voiture pour aller travailler. Elle roule toute seule avec. Oui, elle roule toute seule. Parce que dans l'ancienne version de l'émission, je vous aurais dit l'Audi A1, c'est pour rouler seule, puisque c'est une Audi A1. Oui. Voilà. Vous êtes en retour de vacances. Frédéric, vous n'êtes pas obligé de rigoler, hein, parce qu'après, ça lui donne envie d'en faire d'autres, des blagues comme ça. Donc, voilà. Voilà. Alors, elle veut changer sa voiture pour rouler avec une voiture plus propre, on va dire ça, parce qu'à partir du moment où on choisit une hybride, c'est qu'on décide de rouler plus propre. Voilà. Elle était diesel, son Audi A1, ou elle était essence? Non, c'était une essence. Ah bon, déjà. Et quel type de parcours elle fait? Je suis curieux, c'est pas pour intercepter votre femme, hein, je vous rassure, hein. C'est juste pour savoir quel type de voiture on peut vous conseiller. Donc oui, en fait on habite en montagne, en moyenne montagne. D'accord. Et donc elle fait ses allers-retours au travail où elle habite en ville qui est en bas de la montagne. Donc le matin elle fait 30 km de descente et parcours urbain et le soir elle fait 30 km dans l'autre sens. D'accord. Et donc... Elle fait donc 60 km par jour, vous avez vu, 30 plus 30. J'ai pris des cours pendant l'été de rattrapage. J'ai acheté CM2 mise à niveau, donc maintenant au niveau addition, ça... C'était indispensable, hein, entre nous soit dit. Oui. Donc l'addition, ça sera pour moi la prochaine, voilà. François. Alors, pourquoi hybride, on vient de dire un chiffre important, 60 km. Il y a des véhicules qui font largement 60 km, qui seraient très adaptés à l'usage que vous en avez. À votre avis, c'est quoi? Maintenant, on va faire ça. Maintenant, je vais poser des questions aux auditeurs, en fait. Alors, c'est pas hybride, c'est un cran au-dessus d'hybride. Qu'est-ce qu'il y a après de l'hybride? Alors, on est parti de l'essence. Ensuite, l'hybride, c'est... Quand on parle d'hybride... Moi, je sais, monsieur François. Moi, je sais, monsieur... Frédéric, peut-être qu'il sait aussi. Oui, le véhicule électrique. Exactement, et voilà. Et vous gagnez un véhicule électrique que François Sorel va vous offrir avec joie, parce que c'est une des nouveautés de la rentrée. Alors, c'est une petite voiture radiocommandée, hein, toute petite. Mais non, parce que, alors, dans les hybrides, de la catégorie de l'Audi A1, il n'y a que la Toyota Yaris hybride. Et en montagne, je vous déconseille fortement, parce que dans le sens de la descente, ça ira très bien. Dans le sens de la montée, c'est pas que ça grimpera pas, c'est que ça fait un bruit très désagréable. Le système de variation continue qui est monté, enfin ça fonctionne comme de la variation continue qui est montée sur cette voiture-là, c'est bien pour faire de l'agglomération. À partir du moment où on fait de la route un petit peu rapide et surtout de la montagne, c'est vraiment là que c'est désagréable dans le sens de la montée, donc je vous conseille pas ça. Après, vous pouvez prendre la gamme au-dessus, une Auris HSD, donc l'Auris c'est quand même déjà plus gros. Alors j'imagine que si c'est une petite voiture pour faire des allers-retours dans la journée et que c'est pas une voiture familiale, ça sert à rien de trimballer une grosse voiture. Autrement, après vous avez l'hybride rechargeable, mais c'est plus cher. La Golf GTE, mais là vous êtes dans les 38 000 euros, ça commence à faire un petit peu chaud. Oui. Mais un véhicule électrique, dans son cas, est parfaitement adapté. Une Renault Zoé. Une Renault Zoé, en plus, ce qui est génial, c'est que vous faites 30 km de descente déjà, donc 30 km où vous récupérez de l'énergie. Déjà, pour commencer. Et puis, dans le sens de la montée, la voiture électrique, ce qui est intéressant avec un véhicule électrique, surtout quand on habite en montagne, c'est que lui, il craint pas l'altitude. Parce qu'une une voiture à moteur à combustion interne, moins il y a d'oxygène, plus elle tire la langue. Un véhicule électrique, ça le fait doucement rigoler qu'on soit à la montagne. Donc, dans le sens de la montée, pas de problème. En plus, vous avez beaucoup de couples. C'est ça qui est intéressant en montagne pour doubler, par exemple. Ouais. Voilà. Quand vous voulez déboîter pour doubler, c'est bien. Une Zoé, ça me paraît particulièrement adapté. Alors, vous avez d'autres modèles que la Zoé, hein. Vous avez, si vous voulez, un modèle un peu plus gros, parce que pour moi, aujourd'hui, le meilleur véhicule électrique vendu sur le marché, on en a parlé avant de partir en vacances, il n'est pas encore arrivé dans les concessions, mais il arrive là incessamment sous peu, c'est la Hyundai Ioniq. C'est un petit peu plus gros, c'est de la taille d'une Toyota Prius, donc franchement, c'est un peu plus gros. Ouais. C'est pas fatalement plus cher que les concurrentes. En revanche, vous avez une grosse batterie, là, vous avez vraiment de l'autonomie, vous avez entre 200 et 250 km réels d'autonomie. Vous avez un moteur qui a un peu plus de pêche, il fait 120 chevaux. Ça sort quand, ça? Là, voilà, ça va arriver dans les semaines qui viennent. Ouais, ouais, là. Frédéric, vous aviez pensé à l'option électrique ou pas? On y avait pensé, mais ce qui nous faisait peur, c'était l'installation électrique dans le garage. En plus, Renault, très généreusement, vous offre l'installation. Un forfait installation. Ça veut dire que si votre garage, il est à 1 km de la maison, ils vont pas vous payer la ligne sur 1 km. Mais s'il y a déjà l'électricité ou le compteur, parce qu'ils vont repartir du compteur si le compteur est vous offre très la borne, loin du garage, ils vous offrent la borne et l'installation si le compteur est proche de la borne. Autrement, ça, franchement, ça vaut le coup. En plus, dans votre cas, moi, je ferais pas une charge totale. Pourquoi? Parce que les 30 km de descente, c'est de l'énergie gratuite que vous allez récupérer. Donc si elle part de la maison... Elle fait jamais plus de 60 km par jour, Frédéric? C'est vraiment exceptionnel. Non mais franchement, en plus, alors, vous avez vraiment 150 km... Réfléchissez à cette option parce que... 150 km d'autonomie avec la Zoé, hein. Donc même l'hiver, même s'il fait très froid l'hiver... Avec le chauffage et avec tout ça... Avec le chauffage, elle peut faire sans problème les 60 km. Même elle plus. Peut faire 100 km sans problème, le chauffage à fond. Il n'y a aucun souci. C'est vraiment l'option. Pour moi, si vous voulez une voiture autre qu'un véhicule thermique classique, c'est l'option la plus crédible. Voilà. D'accord. Fred. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon dimanche. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. C'est dingue parce que vous êtes de plus en plus... enclin à conseiller un véhicule électrique. C'est à dingue, partir hein. du moment où ça rentre dans les usages. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de profils. Ça serait un VRP qui vous dirait je fais 250 km par jour. Bon, ça fonctionne pas. Mais quelqu'un qui fait des trajets réguliers, toujours les mêmes, qui peut recharger chez lui. C'est le paradoxe, c'est que le véhicule électrique, finalement, il est très adapté à la ville pour circuler, mais les gens qui n'ont pas une place de parking, le véhicule électrique finalement c'est pas pratique. Bon. Ouais. Alors que quand on habite à la campagne entre guillemets, qu'on a une maison particulière, là c'est impeccable pour charger. On revient dans un instant avec Nathalie qui est tombée en panne sur l'autoroute avec son 3008 Peugeot. Elle nous raconte la suite dans un instant. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre auto. RMC, ce week-end, un nouveau pilote français, Esteban Ocon, débute en Formule 1 Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique. Aujourd'hui, dès 14h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. Ça veut dire quoi une rentrée cool pour Darty? Une rentrée cool, c'est ne pas avoir de choix difficile à faire. Ne pas devoir choisir entre deux choses alors qu'on veut les deux. C'est une rentrée sans restriction. Et ça, c'est cool. La rentrée est cool chez Darty. Du 17 août au 15 septembre, profitez de notre offre HP. Un PC Pavilion X370-13U avec l'imprimante DeskJet 3630 et la souris X1200 pour seulement 649 €. Et en plus, HP vous rembourse 100 €. Voir conditions en magasin ou sur darty.com. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. Le retour du week-end des experts, l'automobile. Bon dimanche, merci d'être là. Jean-Luc Moreau à mes côtés qui attend vos questions auto 32-16 et on accueille Nathalie tout de suite. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour Nathalie. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui s'est passé sur l'autoroute? Alors voilà, tout à fait. Premier jour des vacances, panne sur l'autoroute. Aïe. Voilà. Il n'y avait pas Jean-Luc à côté qui vous a fait le coup de la panne, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Bon. Voilà, donc on a été dépanné. Alors c'est quoi votre voiture? Peugeot 3008, mais quoi? Voilà, Peugeot 3008, qui date du... Alors, diesel, charbon... Diesel, d'accord. Voilà. Donc, qui date du 15 juin 2011, donc un petit peu plus de 5 ans. Oui. Combien de kilomètres? 68, on va dire. Voilà. Donc, ouais. Nous avons été dépannés. Le samedi, bien sûr, pas de garagiste. Donc, le lundi, on prend contact avec nous pour nous dire qu'en fait, c'était un injecteur. Ouais. Et donc qu'il y en avait 4 à changer du coup, qu'il y avait une prise en garantie par Peugeot, mais qu'on allait nous tenir au courant parce qu'en fait la voiture a été transférée sur notre garage à Digne-les-Bains. Mm-hmm. Donc on nous a appelé 2 jours après pour nous dire qu'il y avait effectivement une prise en garantie, mais uniquement des pièces et pas de la main d'œuvre. Parce que la voiture avait plus de 5 ans. Donc la voiture, effectivement, je ne sais pas si ça va de date à date ou alors si c'est l'année calendaire qui compte, puisqu'en fait, elle est de 2011. Donc, et on va dire à 3 semaines près, si c'est de date à date, on était pris en garantie. Bon, sachant qu'elle n'a pas beaucoup de kilomètres, donc je voulais savoir si... Mais quel type de trajet vous faites habituellement, Nathalie, avec cette voiture? Alors, habituellement, ce sont quand même des petits trajets, d'autant plus que... Voilà. Nathalie, vous savez comment on fait un bonnet d'âne? Vous vous souvenez? Vous regardez sur Internet? Vous allez en faire un joli bonnet d'âne en papier, et puis vous allez vous mettre au coin en disant, il faut en récitant... Je n'achèterai pas de diesel quand je fais 2 km tous les jours. Voilà, quand je fais des petits trajets. J'allais dire, la panne que vous avez eue, elle est presque normale. Bon, une panne, c'est jamais normal. Et la réaction de Peugeot, elle est plutôt bien. Ça veut dire que Peugeot accepte de prendre en garantie les 4 injecteurs, ils vous laissent la main d'œuvre à payer, votre voiture a 5 ans, ils auraient très bien pu dire, il y a d'autres constructeurs français, on ne va pas les citer, qui auraient pu être beaucoup moins généreux. Qui vous auraient dit, allez vous rhabiller. Tout simplement pourquoi? Parce que quand vous achetez un diesel, on ne vous prévient pas, au moment où vous allez signer le bon de commande, on ne vous dit pas, attention, ce n'est pas fait pour faire des petits trajets. Et ce qui se passe, c'est que... C'est pas normal. On devrait nous le dire. Oui, on devrait le dire aux gens. Le véhicule, qui est conseillé pour de longs trajets, etc. Mais déconseillé si vous avez, Le rôle de conseil des concessionnaires, il a disparu depuis très longtemps. Aujourd'hui, ils vous vendraient n'importe quoi, même si c'est pas du tout adapté. En général, alors peut-être que ça a changé, mais moi, il y a encore quelques années, on me poussait à acheter un diesel, alors que justement, j'avais un mode de conduite urbain où je faisais que quelques kilomètres par jour, simplement parce que le véhicule coûtait plus cher et que c'était plus facile pour la revente, etc. On vous disait à la revente, ça sera plus simple. Aujourd'hui, le diesel va passer sous la barre des 50%. On parle des ventes aux particuliers. Les gens aujourd'hui ont compris qu'un diesel c'était fait pour faire des longs trajets. Donc dans votre cas, la panne, elle est pas surprenante. C'est pas normal, mais en même temps, elle est pas surprenante. L'encrassement des diesels, c'est la maladie du siècle. On en parlera d'ailleurs. Toute l'émission de la semaine prochaine sera consacrée à ça parce que on démarre cette semaine l'expérimentation du nouveau contrôle technique qui permettra de mesurer le degré d'encrassement des diesels. Alors, il y a plein de gens, moi j'ai lu plein de trucs dans la presse, on va en parler beaucoup cette semaine, j'ai des confrères qui disent, oui, encore une fois, un tour de vis, les automobilistes sont pas d'accord. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça vous permettra, c'est la prise de sang, c'est l'image que je prends à chaque fois, mais on fera une prise de sang à votre voiture avant qu'elle tombe malade. Et ça vous permettra de savoir si oui ou non les injecteurs sont en bon état. Voilà, c'est ça. Parce que dans votre cas, avant le changement, c'est-à-dire si le concessionnaire s'était rendu compte lors des révisions, mais il a rien pour le savoir. Malheureusement, il a aucun outil aujourd'hui. Donc on va mettre aujourd'hui au contrôle technique un outil qui permettra de diagnostiquer ça. S'il avait pu diagnostiquer avant, on aurait fait un nettoyage grâce à des produits qui existent de vos injecteurs et ça vous aurait rien coûté du tout, à part le prix du nettoyage. Donc dans votre cas, bonne réaction de Peugeot, il n'y a rien à espérer de plus. Bon, maintenant, faites de temps en temps des grands trajets ou faites de temps en temps un décrassage du moteur. Merci Nathalie. Jean-Luc, bientôt 8h30. La météo, les infos et on revient avec notre bon plan auto. Est-ce qu'on peut être verbalisé si on conduit sous l'emprise de médicaments? L'essai de la semaine, ce sera la nouvelle Audi Q7 e-tron. Et puis, bien sûr, vos questions auto au 32-16. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre auto. Bonjour, c'est Roselyne Bachelot. Demain, je vous retrouve sur RMC avec plaisir dès 15h pour 100% Bachelot. Nous évoquerons un sujet fort d'actualité. Ensemble, nous en débattrons et nous chercherons des solutions. Opinion, conviction, solution, c'est 100% Bachelot. Je compte sur vous demain dès 15h sur RMC. Roselyne Bachelot, demain à 15h dans 100% Bachelot sur RMC. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Il y a des magasins de fenêtres. Niveau choix, c'est vite vu. Et puis à la paire, avec ses fenêtres PVC disponibles en 156 coloris et dans toutes les tailles. Et jusqu'au 12 septembre, la paire vous offre jusqu'à 25% de remise immanquable sur les fenêtres sur mesure PVC. Moins 25% sur les fenêtres sur mesure. La paire, je vous le dis, il n'y en a pas deux. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. À partir de 4 fenêtres PVC, conditions sur lapaire.fr. Votre application RMC Sport évolue. Téléchargez-la gratuitement. RMC Sport, plus qu'une équipe. Une Dream Team. Intermarché s'engage. Le lot de deux melons charentais jaunes les moins chers de France est à 1,38€. 1,38€ les deux melons. Mais c'est aujourd'hui seulement. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine France, soit 69 centimes la pièce au lot. Calibre 800-950, catégorie 1. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Intermarché vous rembourse la différence. Modalité et liste des magasins participants sur intermarché.com. C'est l'heure de la météo sur RMC. C'est la météo de ce dimanche avec Jérémy Souliman. Bonjour Jérémy. Bonjour François, bonjour à tous. Eh bien, le temps se dégrade. Aujourd'hui, encore un temps instable et des orages au menu de cette journée. On attend quelques coups de tonnerre du midi Pyrénées au nord-est du pays. Les averses orageuses vont se décaler ensuite vers l'Auvergne et l'Alsace. Prudence, notamment dans le nord-est du pays cet après-midi. Les orages pourraient être violents localement et souvent accompagnés de grêle. Sur une grande moitié ouest du pays, des frontières belges jusqu'aux Pyrénées, le ciel est chargé et le temps variable. On attend quelques averses localisées, notamment dans le sud-ouest, et des averses beaucoup plus importantes cette fois-ci sur les reliefs. Pour trouver un beau et franc soleil, finalement, il faudra se rendre dans le sud-est autour de la Méditerranée. Alors, fin de l'alerte canicule ce matin, on respire enfin. Il fait déjà entre 15 et 23 degrés sur l'ensemble du pays. Cet après-midi, la chaleur devrait surtout se concentrer sur l'Alsace, la Lorraine ou encore la Provence. On attend par exemple 26 degrés à Lille cet après-midi, 29 à Paris et Ajaccio, 32 à Marseille, 33 à Lyon, 35 degrés à Bordeaux ou encore à Strasbourg. La météo avec agrifourniture.fr, le site de vos achats de semences et consommables pour toute l'agriculture. C'est RMC, il est 8h30. Un point sur l'actualité avec Claire Tchekaglini. Bonjour Claire. Bonjour. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alain Juppé, pour sa rentrée politique, s'est présenté comme étant, je cite, l'homme de la situation. Il était devant ses soutiens à Chatou, dans les Yvelines. Durant son discours, il n'a jamais prononcé le nom de son principal adversaire, Nicolas Sarkozy. L'ex-président était, lui, au Touquet, devant les jeunes républicains, pour un discours très offensif. Il a rappelé sa volonté de supprimer le regroupement familial, d'interdire le burkini sur les plages et le voile à l'université. Revenir aux fondamentaux de sa famille politique, voilà ce que préconise Marisol Touraine à François Hollande pour la présidentielle. Dans un entretien au JDD, la ministre de la Santé rappelle que la gauche doit s'engager sur des thèmes sociaux et ne pas faire de l'identité l'alpha et l'oméga de la campagne. Le beau-frère de Chérif Kouachi, mis en examen hier pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, Mourad Hamid avait été arrêté alors qu'il tentait de rejoindre la Syrie. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Enfin, un peu d'air frais, du moins un peu moins chaud. Le pic de la canicule est désormais derrière nous. Météo France a levé l'alerte orange pour tous les départements ce matin. Sur les routes, Bison Futé hisse lui encore le drapeau orange dans le sens des retours. 291 morts, dernier bilan du séisme qui a frappé le centre de l'Italie mercredi. 2500 personnes restent privées de toit. En football, le cauchemar des Lyonnais hier, l'OL s'est incliné face au promu. Dijon, résultat 4-2 et un joueur de moins pour l'OL, Alexandre Lacazette qui s'est fait sortir sur blessure. Les autres résultats, un partout entre Nice et Lille, un partout également notamment entre Montpellier et Rennes. Victoire de Guingamp face à Nancy, 0-2. Défaite de Bastia qui jouait contre Caen, 2-0. Et Metz a gagné contre Angers, 2-0 également. À suivre aujourd'hui le choc Monaco contre PSG. Et puis Bordeaux accueille Nantes et Saint-Étienne reçoit Toulouse. En Formule 1, Nico Rosberg partira cet après-midi en pole position sur le circuit de Spa pour le Grand Prix de Belgique. Départ à 14h. Pour l'instant, il est 8h32, l'heure de retrouver François Sorel. Et Jean-Luc Moreau, notre expert auto, qui m'accompagne jusqu'à 9h. Merci Claire et on vous retrouve dans 30 minutes. D'ici là, bien sûr, toutes vos questions auto, 3216 ou auto@rmc.fr. A tout de suite. RMC. Quand on vous dit qu'on peut écouter RMC partout, quand on vous dit qu'on peut écouter RMC tout le temps, c'est vrai. RMC s'écoute n'importe où et à n'importe quel moment sur les applis, tablettes et smartphones et sur rmc.fr. Attention Jean-Luc Moreau, la petite question flash qui va bien. C'est la question de Patrick. Patrick qui nous dit ceci, il a une Mercedes classe B, 97 000 km, elle est diesel. La crémaillère de direction doit être changée, nous dit-il. Est-ce normal et est-ce que c'est une pièce d'usure, cette fameuse crémaillère de direction? Alors ça dépend, c'était peut-être un véhicule de direction sa voiture, non? Ah, de direction. Oui. Ah oui, c'est ça. De direction, D'accord. Non. Ça va... Je crois qu'on peut enchaîner, non? Bon, alors, s'il y a des craquements dans la direction, d'ailleurs, on en profite pour saluer notre direction. Oui, bien sûr, qui ne craque pas. Voilà. Sauf quand il vous écoute. Mais sur ça, les modèles antérieurs à mars 2008, c'est un problème connu chez Mercedes qui nécessite le remplacement de la crémaillère de direction. Alors, pour répondre à la deuxième question qui est posée par Patrick, est-ce une pièce d'usure? Non. Enfin oui, quand la voiture a 1 million de kilomètres, on peut considérer que la crémaillère de direction va être usée. Mais pour un véhicule qui a moins de 100 000 kilomètres, comme c'est le cas de sa voiture, normalement la crémaillère doit être encore en parfait état. Il faut quand même vérifier, mais ça, vous avez une vérification au contrôle technique, que les soufflets, vous savez, sur les côtés de crémaillère de direction ne sont pas percés, puisque... c'est graissé à l'intérieur et si les soufflets sont percés, eh bien il y a de la saleté qui va rentrer et ça peut provoquer une usure prématurée de cette crémaillère de direction. Mais sinon, non, on est typiquement dans le cas des vis cachées. Et d'ailleurs, comme je vous disais, c'est un problème qui est connu chez Mercedes, répertorié comme tel. Et il y a des remplacements de crémaillère de direction, même sur des modèles qui ne sont plus sous garantie depuis quelques années. Voilà, vous savez tout maintenant sur la crémaillère de direction qu'il ne faut pas pendre, bien sûr. Celle-là n'a rien à voir. Le 32-16 pour toutes vos questions auto. On vous attend sur RMC. À tout de suite. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 732-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, le week-end des experts. 8h-10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Allez, 8h35, c'est reparti pour ce week-end des experts. Et l'automobile, tout à l'heure on vous donnera des conseils pour essayer de conserver votre permis le plus longtemps possible. Parce que c'est vrai que le permis s'étiole avec tous les points qui petit à petit s'en vont comme ça. Est-ce que vous connaissez vous la règle de récupération des points du permis de conduire? Parce que vous allez en avoir besoin d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais vous savez au bout de combien de temps les récupère? Ça y est, voilà, maintenant Jean-Luc raconte notre vie. Bah, vous savez quoi, votre vie on va privée. Raconter notre vie privée. Oui, je me suis fait attraper par un radar cet été. J'étais à 53 km/h au lieu de 50 et donc je vais perdre un point. Un dangereux terroriste. C'est ça. Eh oui, un dangereux terroriste. Et une voiture de location qui plus est. Donc on posera la question à Rémi tout à l'heure pour savoir s'il faut que vous donniez votre nom. Bon, c'est trop tard, ça y est. Si j'ai reçu le gars qui est au PV est en train de nous écouter, il sait que c'est vous. C'est mort. Ah bah bravo, tiens, maintenant je suis cuit. Bon, on parlera de tout ça. Non, mais tout à l'heure, sous couvert d'anonymat, voilà, vous prendrez un téléphone et vous poserez la question à Rémi par téléphone. François S. Donc, maître Rémi Jossomme sera là. Voilà, peut-on contester des PV électroniques? Quand faire un stage de récupération de points, etc. Et puis, on évoquera aussi les nouveautés de la rentrée et notre rendez-vous avec Auto Moto tout à l'heure. Mais dans l'immédiat, Jean-Luc, c'est Florence que nous accueillons au 32-16. Bonjour Florence. Bonjour. Bonjour Florence. Bienvenue Florence. Bonjour François. Bonjour. Alors, ravi de vous avoir. Qu'est-ce qui vous arrive? Pareillement. Alors, moi, j'ai une... j'ai un problème, hein, comme tous les autres. Ah, mais non, et alors... J'ai une Polo Life. Oui. Décembre 2013. Elle a aujourd'hui 13 000 kilomètres, donc je ne roule pas beaucoup. C'est une voiture essence, rassurez-vous, Jean-Luc. D'accord. Le problème, c'est que le 18 juillet, j'ai eu le voyant du catalyseur qui s'est allumé. Et après, donc, je l'ai amené à la concession, pris rendez-vous, etc. C'est une culasse qui est fêlée. Alors, Déjà, c'est pour répondre à votre première question, c'est pas un problème courant. Heureusement d'ailleurs, parce qu'une culasse fêlée, ça commence à être cher à remplacer. Donc c'est exceptionnel. Est-ce que votre voiture, dans son historique, vous l'avez achetée neuve déjà ? Oui, je l'ai achetée neuve. Vous n'avez jamais eu d'accident un peu violent avec ? Non, pas du tout. Parce que ce qui peut provoquer ce genre de panne, entre guillemets, sur une culasse, par exemple un choc violent à l'avant, pourrait avoir causé une fissure qui, petit à petit, s'ouvrirait dans la culasse. Bon, dans votre cas, a priori, je dis a priori parce que c'est quand même des pannes importantes qui nécessitent une vraie expertise, un démontage. Oui. Il peut y avoir, vous savez, dans les fonderies, il peut y avoir ce qu'on appelle une paille dans la fonderie. Ça veut pas dire qu'on a mis de la paille dans la fonderie, ça veut dire juste qu'il y a un défaut et que à la longue, enfin votre voiture a peu de kilomètres, cette micro-fissure qui était dans le métal va s'agrandir et effectivement ça vous fait une fissure dans la culasse, donc ça nécessite le remplacement de la culasse, qui est une opération lourde, qui est une opération chère, mais qui doit être prise en charge à 100% par Volkswagen là pour le coup. Alors j'imagine que vous êtes rapproché de votre concessionnaire, il vous dit quoi pour le moment ? Alors, on est passé par plusieurs phases parce qu'au départ, on devait tout payer. Après, on nous prenait simplement 70% sur les pièces. Là, à l'heure d'aujourd'hui, ils nous prennent 100% en charge les pièces. Ouais. 100% sur les pièces. Ouais. 50% sur la main-d'œuvre. Ah ben ça a bien progressé, vous avez vu hein, la discussion de marchand de tapis quand même. Hein. Marchand de tapis et puis les coups de téléphone. Alors les coups de téléphone, attention Florence, coup de téléphone ça vaut rien un coup de téléphone. Hein. Un mail ou un courrier recommandé ? Eh oui, je l'ai pas fait. Voilà. Mais faites-le parce que un mail ça marche aussi. Un mail ça marche. D'accord. Un, on oui, demandera une preuve écrite. On demandera à Rémi tout à l'heure, mais vous verrez, un mail il y a forcément une date. Oui, tout à fait. Voilà. C'est bien. C'est bien. Parce que c'est plus pratique qu'une lettre recommandée. C'est plus pratique, mais c'est quand même bien, au moins pour le début de la procédure entre guillemets, de faire une lettre recommandée avec accusé de réception. Donc dans votre cas, demandez quand même qu'on vous mette par courrier tout ce qu'on vous a proposé là. Vous pouvez encore aller un cran au-dessus, hein. Vous pouvez demander 100%. Parce que le problème à l'heure actuelle, si vous voulez, c'est que on est un petit peu énervé parce que ça fait quand même un mois et demi que ça dure. Ah, et que mon mari a dit pour les réparations, c'était OK. Et pour l'instant, il nous resterait 320 € à payer, en gros. Bon, 320 €, c'est pas la mer à boire, mais en même temps, la prise en charge devrait être totale. Oui, hein. Pièce et main d'œuvre. Mon problème, c'est de savoir à qui il faut que j'envoie le recommandé ou le mail. Alors, au service clientèle Volkswagen. Alors déjà, vous n'êtes en relation qu'avec votre concessionnaire. Non, on est en relation aussi avec le service clientèle. D'accord. Donc vous avez déjà un interlocuteur, un numéro de dossier. Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est va le faire en antenne. On va prendre votre numéro de dossier. On va la faire à l'agent Luc. Voilà, on va prendre votre numéro de dossier. On va court-circuiter un petit peu tout ça. Oui. Et puis pour 320 €, je pense que ça va passer largement. Il y en aurait eu pour 30 000 €. Peut-être que ça aurait été plus délicat. Mais vous allez nous donner votre numéro de dossier. Puis on va pousser. Mais faites quand même le recommander. En leur demandant qu'ils vous mettent par écrit ce qu'ils vous ont proposé et puis commencer à lancer déjà la. D'accord. Et comme d'habitude dans ce genre de cas, il y aura un suivi, c'est-à-dire que Jean-Luc, vous nous tiendrez au courant de ce qu'on vous dira. A priori, il n'y a pas de problème sur votre véhicule. On verra. C'est vrai qu'on peut avoir parfois. Moi, je suis obligé malheureusement de n'écouter que les auditeurs. Oui, mais il peut y avoir. Ils peuvent oublier de dire certaines choses. C'est arrivé par le passé. On reprend pas systématiquement, c'est-à-dire on ne revient pas sur tous les cas qu'on a évoqués à l'antenne derrière, mais dans le traitement, parfois les constructeurs me disent « Ah, il vous a pas tout dit, ce gentil c'est monsieur ou cette gentille dame. » Donc là, on se fie en fait à ce que vous nous dites à l'antenne. Exactement. Hein, voilà. Jean-Luc, on va enchaîner tout de suite avec notre bon plan auto de cette semaine. « Puis-je être verbalisé si je conduis sous l'emprise de médicaments ?» Alors, normalement, la loi ne vise que les substances et les plantes stupéfiantes. Oui. Voilà, c'est ça. Que les stupéfiants, bien évidemment. Que les drogues, en fait. Que les drogues et l'alcool. Alors, il y a des médicaments qui contiennent. Oui. Tout à l'heure, on évoquait le cas extrême de la morphine. De toute façon, si vous êtes sous morphine, ça m'étonnerait que vous ayez envie de prendre ou les moyens de prendre le volant. Je pense. Donc, ces plantes et ces substances classées comme stupéfiants peuvent vous valoir une verbalisation. Attention d'ailleurs, si vous avez fumé du cannabis, un cas malheureusement de plus en plus fréquent, et que vous êtes contrôlé une semaine après, vous aurez des traces et vous serez verbalisé. Attention. Oui, parce que la substance reste longtemps dans le sang. Exactement, en fait, la substance reste longtemps dans le sang. Et comme elle est prohibée, à partir du moment où on décèlera la présence de cette substance dans votre prise de sang, bah, vous serez verbalisé. Même si, au moment des faits, vous n'étiez pas sous l'emprise directe du cannabis. Par exemple, je suis allergique. Voilà. Oui, alors, donc, je prends des médicaments. Il y a trois niveaux de vigilance qui sont indiqués sur les boîtes de médicaments. Voilà, c'est ça. Premier niveau de vigilance, vous savez, c'est le petit pictogramme avec une voiture. C'est fond jaune. Donc fond jaune, ça veut dire soyez vigilant. Il est plutôt déconseillé de prendre le volant. Un antihistaminique, typiquement, il va être en catégorie 1. Ensuite, vous avez la catégorie 2 avec le même pictogramme orange. Là, il est vraiment déconseillé de prendre le volant. Et ensuite, vous en avez un avec un rouge, et là, il est, on va dire, interdit. On ne peut pas, malheureusement, interdire. Alors, en revanche, si vous prenez typiquement ce genre de médicament et que votre médecin ne vous a pas averti que la conduite en ayant pris ce médicament était dangereuse, lui peut avoir des soucis. Il doit vous informer. Ça doit être écrit sur le mode d'emploi. Il doit aussi vous informer. Alors vous ne serez pas verbalisé si vous avez conduit sous l'emprise d'un donc médicament. Donc je prends ces médicaments. Voilà. Quelle que soit la catégorie. J'ai un accident. Niveau 3, attention danger, il ne faut pas conduire. Si vous prenez quand même le volant en ayant pris ces médicaments-là, vous ne serez pas verbalisé en cas d'accident. En revanche, votre assureur peut vous lirait bien vos contrats. D'accord. Il y a toujours plein de petites lignes en bas. Oui. Et il y en a une en particulier où il peut être indiqué que si vous prenez ce type de médicament et que vous avez un accident, alors vous serez toujours assuré, bien évidemment, mais votre indemnisation en cas de préjudice corporel sera minimisée. D'accord. Mais donc, encore faut-il bien qu'il faire le attention. Parce que dans ce cas précis, si par exemple les forces de l'ordre ne le savent pas, pourquoi l'assurance le saurait? Vous voyez ce que je veux dire? Et vous pouvez très bien, suite à un accident corporel, avoir une prise de sang qui est effectuée et on découvrira que vous aviez ce médicament dans le sang. Et là, votre assureur dira, écoutez, je suis désolé, vos deux jambes, c'est pour vous. Vos deux jambes, c'est pour vous. C'est bizarre comme expression. Ouais, non, mais si par exemple dans l'accident, vous avez les deux jambes coupées. En général, c'est pour nous les jambes. Ouais. Bon. Très bien. Bon, au moins, comme ça, c'est clair. Voilà. Jean-Luc, on revient dans quelques instants. Nous aurons Jacques qui hésite entre deux véhicules électriques. Ah, c'est bien. Vous voyez que ça bouge, hein. On est en train de faire bouger les lignes dans ce rendez-vous auto. Rappelez-vous, il y a quelques années encore, on choisissait entre deux modèles de diesel. Maintenant, on est passé à l'électrique. Mais non, mais on a 10 ans d'avance. Parce qu'il y a 10 ans, on disait attention, le diesel, c'est pas pour tout le monde. Vrai. Et y a des problèmes de pollution qui peuvent se poser. Là, on est en train de dire l'électrique, ça peut être bien pour certains usages. Mmh. Les gens commencent à nous écouter presque, on dirait. On en parle dans un instant. Les quatre auditeurs qu'on a nous écoutent, en tout cas. Bonjour, maman. Bon, c'est ça, bonjour à la mienne aussi. On revient dans un instant avec Jacques. Et puis, ça sera l'essai de la semaine, l'Audi Q7 e-tron. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre auto. Vivez vos émotions à 100% en pariant sur l'application PMU Hippic quand vous voulez, où vous voulez. Retrouvez toute l'information Hippic et les courses en direct à télécharger maintenant sur votre mobile. PMU, on parie que vous allez gagner. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Intermarché s'engage. Le lot de deux melons charentais jaunes les moins chers de France est à 1,38€. 1,38€ les deux melons. Mais c'est aujourd'hui seulement. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine France, soit 69 centimes la pièce au lot. Calibre 800, 950, catégorie 1. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Intermarché vous rembourse la différence. Modalité et liste des magasins participants sur intermarché.com. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, apprenez le sens des affaires avec Jeff Schwartz, le roi des liquidations. Il vend et achète tout ce qui bouge. Ne pas négocier avec lui, c'est pas négociable. Le liquidateur, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction, canal 24. La Paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Il y a des magasins qui vendent des dressings presque à la bonne taille. Et puis, il y a La Paire, avec ses dressings 100% sur mesure. Et jusqu'au 12 septembre, La Paire vous offre 30% de remise immanquable sur une sélection de dressings sur mesure. Moins 30% sur les dressings sur mesure Optimise. La Paire, croyez-moi, il n'y en a pas deux. La Paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. Voilà, pratiquement 9h-10, le week-end des experts d'automobile. Bon dimanche, merci d'être là. On salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur RMC. Et comme chaque dimanche jusqu'à 10h, c'est Jean-Luc Moreau qui m'accompagne et qui répond à toutes vos questions auto. On va dans un instant retrouver l'essai de la semaine. Ça sera la Audi Q7 e-tron. Mais auparavant, Jacques nous attend. Bonjour Jacques. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jacques. Oui, bonjour, vous allez bien? Plaisir partagé, Jacques. On va très bien. Alors, vous hésitez entre deux voitures électriques, c'est ça? Alors, petit aparté. Les assureurs, c'est tous des enfoirés. Il y en a pas un pour sauver l'autre. Ça n'engage que vous, Jacques. Oui, mais là, on ne peut pas créditer ce que vous dites, hein, mon cher Jacques. Non, mais je sais très bien, c'est normal. Mais ça, c'est de l'expérience. Oui, moi j'habite dans une petite ville de moyenne, c'est-à-dire 20 000 habitants, dans une région, le Jura, bon, qui est quand même assez montagneuse, hein, c'est pas que des autoroutes. Ouais, et puis où il fait un peu froid l'hiver aussi, si vous habitez Meute, par exemple. Et si je veux acheter une voiture électrique, ce qui est possible, hein, dans les mois qui viennent, ouais. il est quand même très difficile dans nos régions, oui. De passer sur l'électrique, parce que premièrement, vous n'avez pas des bornes de partout. Mais vous êtes dans quelle ville précisément? Moi, j'habite à Lons-de-Saunay dans le Jura. D'accord, bon, je connais. Et... Vous savez, j'ai commencé ma carrière professionnelle il y a environ trois quarts de siècle. Oui. Non, je plaisante. C'est un petit peu moins que ça. J'ai commencé à Besançon, donc vous étiez dans mon périmètre. Alors donc Lons-le-Saunay, oui. Vous comprenez, c'est pas évident déjà de trouver des bornes. Moi, j'habite en un petit immeuble de trois étages en résidence. Donc, il faut pouvoir charger sa voiture tranquillement le soir, éventuellement. Vous avez un parking, un emplacement ou Si vous voulez, c'est un parking de la résidence. Hein. Il est en sous-sol privée. Ou c'est extérieur? Pas du tout. Donc, c'est extérieur. Oui, ça pose problème, effectivement. Et donc, même si on le veut, si on a une volonté, il n'est pas évident, quand vous habitez des villes comme les nôtres, et il y a quand même beaucoup de Français qui ont... dans le même cas ou ce même souci, c'est vrai qu'il est peut-être plus facile d'avoir une voiture électrique quand vous habitez des villes comme Paris, Lyon, Besançon, Montpellier, Toulouse, que des villes moyennes comme les nôtres. Et ça, il faudrait qu'ils pensent quand même à développer tout ce réseau de bornes. Ça commence, hein. Jacques, on est en grand développement. Hein. On est quand même en grand retard par rapport à certains pays. Hein. Oui, mais non, la France n'est pas aussi en retard que ça. Bon, évidemment, par rapport à la Norvège, où vous avez des bornes à tous les coins de rue, parce que le parc automobile est, je crois que c'est plus de 12% de véhicules électriques, donc c'est énorme. En France, en France, on est à 1% des ventes, on n'est pas à 1% du parc, donc il y a encore du chemin à faire. Et puis, je peux vous dire qu'il y a une chose quand même qui est quand même très, très, très surprenant, et vous pouvez me contredire si vous le voulez. C'est que tous les concessionnaires, moi, que j'ai pu faire ces derniers mois, puisque j'ai changé de véhicule, je peux vous dire qu'ils ne se battent pas pour vendre de véhicules électriques. Hein. Ça, c'est vrai. Il y a quand même encore un lobbying du monde automobile, ah non, mais c'est certain. Des grandes marques, c'est qui ne se battent pas pour vous vendre de l'électrique. Ça, c'est clair. Les vendeurs, en général, vous le déconseillent. Alors, est-ce que c'est un intérêt économique au niveau des commissions, au niveau de leur business? Ça, je veux bien croire, parce que vous savez, le monde automobile, que je connais bien, est un monde quand même très, très opaque, quand même. Vous savez, sur la pré-vente, ils savent très bien qu'un véhicule électrique sera moins captif qu'un véhicule diesel, par exemple. Parce qu'un véhicule diesel, derrière, ils savent qu'il y aura de l'entretien, des vidanges, des choses comme ça. Oui, et ils savent aussi qu'il y aura des pannes. Alors qu'un véhicule électrique, a priori, les pannes, s'il y en a, ce sera la batterie. Et encore jusqu'à présent, il y en a peu. Et ça sera pas eux qui répareront. Donc, c'est vrai que, quelque part, le véhicule électrique les intéresse beaucoup moins. Bon. Vous savez que, avant que je voie des centaines de voitures électriques dans ma ville, j'ai 60 ans, je pense que je mangerai les racines, avant d'y voir. Hein. Mais vous savez, ça progresse vite. Hein. Faut pas désespérer, Jacques. Hein. Ça progresse extrêmement vite. Vous avez vu... L'éternel optimiste, moi. L'exemple de Tesla aux États-Unis, mais il y a plein de choses qui sont dans les tiroirs et qui arrivent. Hein. C'est bête, ta vie. Hein. Il suffit qu'ils aient un intérêt business. Oui, bien sûr. Mais ça va venir, je pense. Mais je pense que l'intérêt business va venir. Là, hein, on le voit. C'est déjà le cas concernant le financement des nouvelles centrales électriques. Vous avez vu hein, que les investisseurs aujourd'hui qui mettent des milliards ne veulent plus investir sur des centrales charbon. Préfèrent investir. Heureusement. Mais voilà, non, mais c'est bien. Donc il y a un business parce qu'ils se rendent compte que voilà, aujourd'hui c'est plus viable. Merci Jacques en tout cas pour ce témoignage. Non, c'est pas entre quelle voiture il hésitait en fait. Oui. C'est quoi votre hésitation, même si vous avez un problème pour la charge? Moi j'ai pas d'a priori. D'accord. J'attendrai les propositions. D'accord. De marque. Et bon, j'irai certainement la. Est-ce qu'il y a une marque aujourd'hui? Ça c'est un conseil que je vous demande. Est-ce qu'il y a une marque aujourd'hui? Même si vous pouvez m'en donner deux, pour ne pas paraître corruptible à votre niveau, est-ce qu'il y a deux marques qui sortent du lot aujourd'hui au niveau des véhicules électriques? Vous avez Renault, vous avez Nissan, et vous avez les Coréens qui arrivent très fort et qui vont rattraper leur retard en matière de véhicules électriques. De toute façon, Jean-Luc, on fera une spéciale électrique bientôt. Mais on a dit remettre les compteurs à zéro. L'année, voilà. Et il y a à partir du moment où il y a de l'actualité, on peut faire effectivement un spécial électrique. On enchaîne avec l'essai de la semaine. Avec l'éléphant vert. Allez, l'Audi Q7 e-tron, un maxi SUV hybride diesel rechargeable. Alors un engin de 5 mètres de long, 2,5 tonnes, 373 chevaux, 700 Nm de couple. Et en plus, diesel, si je vous dis qu'il est écolo, vous allez m'acheter un pyjama avec les manches qui s'attachent dans le dos et un joli entonnoir pour mettre sur la tête. Et pourtant, figurez-vous... Ça vous irait bien, je pense. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Et d'ailleurs... aux yeux de la loi française, vous savez que la loi française fait rarement des cadeaux aux gens qui ne le méritent pas. Eh bien, ce monstre échappe au malus écologique, alors que le Q7 V6 TDI, donc le diesel classique, qui est beaucoup moins puissant, hein, 262 chevaux au lieu de 373, à 1 600 € de taxes, eh bien, notre géant vert, lui, n'a rien. Pareil, taxe sur les véhicules de société, nul. Vous allez me dire, mais comment c'est possible tout ça? Carte grise gratuite, par exemple, dans certaines régions, comme en Île-de-France, ça fait 600 € d'économie quand même. Alors, est-ce que c'est justifié? Alors, si on parlait confort, sécurité, technologie, ce Q7 e-tron mériterait sans conteste les coups de pouce fiscaux. C'est vraiment un engin extraordinaire à conduire. Le confort, on a l'impression d'être sur un tapis volant. Le silence, c'est une église avec personne. Les accélérations sont plutôt canon, 0 à 100 en 6 secondes 2. C'est vraiment la force tranquille, d'autant plus quand il roule en électrique, puisqu'il peut rouler en électrique et il a une grosse batterie. D'accord. 17,3 kWh, c'est autant qu'une Volkswagen e-Up. Vous savez, la petite électrique de Sauf Volkswagen. Sauf qu'elle est un petit peu plus lourde. Un petit peu plus lourde. Ça lui permet de réellement parcourir entre 30 et 50 km en mode électrique. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. En plus, Audi a mis un chargeur relativement puissant, un chargeur interne de 7,2 kW qui permet de recharger en 2h30 afin d'avoir une exploitation plus fréquente en électrique. Mais c'est en hybride que l'engin est vraiment le plus surprenant parce que compte tenu de son gabarit, de sa puissance, nous, en roulant franchement à bon rythme pendant l'essai, on a fait une consommation de 7,5 litres. Ça veut dire que si on chasse le gaspille, qu'on se sert de toutes les assistances d'éco-conduite qui sont disponibles. Vous avez le choix du parcours le plus économe en carburant via le GPS, l'adaptation au fonctionnement hybride, du fonctionnement hybride au profil de la route. Vous avez la pédale d'accélérateur active qui vous indique quand est-ce qu'il faut relâcher le pied. Enfin bref, tout ça, ça permettrait d'avoir une consommation de 6 litres au 100. C'était la conso d'une Golf 5 1,9 litre TDI, 105 chevaux, il y a 10 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, on est sur un Q7. qui fait 373 chevaux, qui est un véhicule énorme et qui consomme pas plus qu'une Golf 5 d'il y a 10 ans. C'est incroyable. C'est juste complètement dingue. Alors vous allez me dire, bon, c'est un diesel quand même. Donc le diesel aujourd'hui, il a un peu mauvaise presse pour des raisons plutôt valables. C'est que on dépollue sur le cycle d'homologation et qu'en dehors, on s'en fiche. Eh ben, pas celui-là. Vous allez me dire, Audi appartient au groupe Volkswagen. C'est vrai qu'ils n'allaient pas proposer un véhicule vert, entre guillemets, avec un diesel pas franchement propre. Hein. Ça aurait été une erreur stratégique monstrueuse. Donc, il y a un double système de dépollution des NOx sur celui-là. Ils ont mis tout ce qui existait. Ils ont dit, allez hop, on met tout. C'est le cas de dire, c'est une usine à gaz. Hein, oui, c'est exactement, c'est une usine à gaz. Résultat des courses, c'est le diesel, toute catégorie confondue, qui émet le moins d'oxyde d'azote. D'accord. Toute catégorie confondue, hein. Même vous prenez les petits diesels, les petites voitures, il en émet moins, et en plus, il C'est-à-dire est calibré. Que Volkswagen a été sensibilisé concernant ce sujet. Il en émet moins en conditions réelles de roulage. C'est ça qui compte, puisque il est dépollué pour, on va dire, répondre au marché américain, et vous savez qu'ils l'attendent avec un gros bâton, même si pour l'instant, les commercialisations des diesels là-bas sont suspendues. Alors. Ce maxi SUV est réellement vert. Il a des avantages fiscaux. Alors maintenant, il a un avantage que votre banquier va peut-être pas trouver très intéressant. C'est son prix. C'est que il démarre à 81 700 euros. Oh, mais ça va, je pense que c'est. Et qui culmine à 99 700 euros. Ils ont juste pas été jusqu'à 100 000. 100, ouais, juste ils sont dessous. Mignons. Ouais, ils sont, voilà. Bon, c'est une niche fiscale, mais pour un gros chien, hein. C'est une grosse niche, déjà. 99 000. Alors, c'est pas très intéressant pour les particuliers. Mais en revanche, pour une entreprise, pas de TVS, budget carburant réduit, récupération de la TVA évidemment sur le gazole, franchement, ça peut être extrêmement intéressant. Et puis bon, c'est quand même une Audi, donc voilà, c'est du premium. Hein, voilà, donc une bonne idée pour par exemple les gens à RMC, à la direction qui roulait avec des Audi Q7, le e-tron sera une bonne alternative. On est plutôt électrique ici, vous le savez. Et il est électrique sur 50 km, donc ça vous permet, il y a des bornes ici, on fait les allers-retours toute la semaine en électrique, zéro pollution. Jean-Luc, on revient dans un instant. On va vous donner des conseils pour conserver votre permis. On découvrira les nouveautés de la rentrée. Et bien sûr, vos questions et vos témoignages au 32-16. Le week-end des experts auto revient après la météo et les infos de 9h. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre auto. Oh, si j'avais le Samsung Galaxy Note 7, je me sentirais important, créatif, artiste. Du 16 août au 1er septembre, le Samsung Galaxy Note 7 est déjà en précommande chez Darty. Profitez-en. Avec le smartphone, Samsung vous offre le casque de réalité virtuelle Gear VR. Samsung Galaxy Note 7, le smartphone qui voit les choses en grand. Voir conditions en magasin ou sur darty.com. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants. À l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,30 euros par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détail des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. Baron de l'Estac. Avec tous ces vins, pas facile de choisir. Ah pardi, choisissez-moi, Baron de l'Estac. Pas besoin d'hésiter, allez-y tout à traque. Rouge, blanc ou rosé, à votre convenance. Parmi tous les Bordeaux, je suis la référence. Vous voulez harmonie, élégance et goût fin? C'est Baron de l'Estac. Ne cherchez pas plus loin. Baron de l'Estac, ce Bordeaux, c'est quelqu'un. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Et c'est avec Jérémy Soulivant qu'on fait un point complet sur la météo de votre dimanche. Bonjour Jérémy. Bonjour François, bonjour à tous. Fin de la chaleur aujourd'hui, l'alerte canicule a été levée. Place maintenant à un temps instable et surtout aux orages. Averses orageuses et coups de tonnerre ce matin du Midi-Pyrénées au centre du pays. Les orages vont ensuite se décaler en cours de journée et se retrouver cet après-midi entre l'Auvergne et le nord-est de la France. Attention notamment dans le nord-est, les orages pourraient être violents localement et surtout accompagnés de grêle. Dans l'ouest, les frontières belges jusqu'aux Pyrénées. Et le ciel va rester chargé aujourd'hui et le temps variable. On attend quelques averses localisées dans le sud-ouest et sur la Manche. Les averses devraient être beaucoup plus importantes sur le massif des Pyrénées. Alors finalement, eh bien, le soleil, on va le retrouver dans le sud-est, notamment autour de la Méditerranée. Côté température, eh bien, on respire. Enfin, il fait déjà entre 15 et 23 degrés sur l'ensemble du pays. Cet après-midi, il va faire encore un petit peu chaud, notamment en Alsace, Lorraine ou encore en Provence. Partout ailleurs, les températures redescendent. On attend 26 degrés à Lille, 29 à Paris et Ajaccio, 32 à Marseille, 33 à Lyon, 35 degrés à Bordeaux ou encore à Strasbourg. La météo avec agrifourniture.fr, le site de vos achats de semences et consommables pour toute l'agriculture. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 14h, Formule 1, départ du Grand Prix de Belgique. 15h, Football Ligue 1, Bordeaux-Nantes. 17h, Saint-Etienne-Toulouse. Et Première Ligue anglaise, Manchester City-West Ham. Et à 20h45, le choc, Monaco-PSG. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, il est 9h01. Toute l'actualité avec Claire Checaglini. Bonjour Claire. Bonjour, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, chacun de leur côté en meeting hier. Un duel à distance dans lequel l'un et l'autre appellent à l'unité. Fin de la canicule après 5 jours de fournaise, un épisode de chaleur qui fera encore des victimes malgré les recommandations répétées. En football, premier choc de la saison ce soir, Monaco-PSG, les Parisiens partent favoris. Distance géographique et divergence politique entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy hier. Le maire de Bordeaux a fait sa rentrée à Chatou dans les Yvelines alors que l'ex-président des Républicains était en meeting au Touquet. L'occasion pour chacun de faire valoir ses différences. Alain Juppé a redit son opposition à une loi sur le burkini, par exemple, réclamée par Nicolas Sarkozy. Pour l'instant, pour autant, le chouchou des sondages n'a jamais prononcé le nom de son principal adversaire, Stéphanie Collier. Exactement, et hier, devant ses partisans, Alain Juppé a fixé les règles du jeu. Je n'ai pas l'intention de faire campagne contre les autres candidats. Je vous demande d'adopter la même attitude. Mobilisez-vous sans attaquer les autres candidats avec lesquels nous devrons aborder le combat de la présidentielle. Aurélie écoute, Alain Juppé a raison, dit-elle, même si elle s'attend à une campagne très dure. Certains hésiteront pas à donner des coups très forts et faudra penser les plaies, je pense, de se rassembler derrière parce que sinon, on fait le jeu des adversaires. D'autres partis. Pourtant, au sein des partisans d'Alain Juppé, ils sont nombreux à refuser de se ranger derrière Nicolas Sarkozy s'il venait à remporter la primaire. Pour Jeff, par exemple, c'est tout simplement impensable. J'y crois plus du tout à Nicolas Sarkozy. J'y ai cru, j'ai été très déçu. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pense quand même beaucoup à lui-même, au fait d'être président, sans voir vraiment les choses après. Donc je voterai pas Nicolas Sarkozy, ça c'est une évidence. Le second tour de la primaire de la droite aura lieu le 27 novembre prochain. Ça veut dire que dans 3 mois, jour pour jour, on connaîtra le nom du vainqueur de cette primaire. Et puis à gauche, Benoît Hamon, candidat à la primaire, réussit cet après-midi ses soutiens à Saint-Denis. Hier, il a fustigé l'attitude de Manuel Valls dans la polémique sur le burkini. Le Premier ministre avait indiqué que le débat était loin d'être clos après la décision du Conseil d'État, inacceptable pour Benoît Hamon. Aujourd'hui, Manuel Valls, sur ces questions, perd les pédales. Il dit que la plage doit être préservée des provocations religieuses. Donc l'espace public, mais on commence par ça, c'est quoi les autres espaces? Mais à ce moment-là, si quelqu'un pense qu'un burkini est une provocation religieuse, moi je ne méprise pas cette angoisse qui peut être celle de certains Français, mais alors, si je porte une barbe assortie d'une djellaba, c'est aussi une provocation religieuse, c'est quoi l'étape d'après? Donc le Conseil d'État lui a rappelé la loi, la règle, au Premier ministre. Mais il assiste tout seul dans son camp. Je pense à un moment que le Président de la République, plutôt que de faire ni, il devrait dire à son Premier ministre, ça suffit. Benoît Hamon sur BFM TV. Enfin, un air plus respirable. Météo France a levé ce matin l'alerte orange sur l'ensemble des départements. Après 5 jours consécutifs de canicule, un peu de fraîcheur, plus que du confort, la possibilité pour chacun de récupérer, comme l'explique Jean-Louis Sanmarco, médecin spécialiste de la santé publique. Ça va faire beaucoup de bien. Ça va être très bénéfiquement ressenti par l'ensemble de notre population. Nous avons été agressés par la chaleur. Et les plus fragiles d'entre nous, ceux qui se défendaient pas bien, ont été exposés éventuellement à mourir. Et quand on fera le bilan, d'ici une dizaine ou une quinzaine de jours, on va sans doute comptabiliser un certain nombre de morts. Donc c'est pas bénin, c'est pas banal, c'est pas une petite chose, c'est une grosse agression. Un prêtre assassiné par 2 djihadistes alors qu'il célébrait la messe, c'était il y a 1 mois à Saint-Étienne-du-Rouvray dans la banlieue de Rouen. La communauté catholique avait ensuite invité les musulmans à se joindre à sa douleur. Nous sommes retournés voir les paroissiens qui se sentent toujours orphelins depuis la mort du père Jacques Hamel, Quentin Pommier. Pas un jour sans qu'Hervé ne pense à la tragédie du 26 juillet et pas une messe sans que l'émotion ne prenne le dessus. C'est bizarre que ça puisse paraître. Des fois, je me dis, tiens, il y aura le père Jacques Hamel qui va dire la messe ce soir. Puis après, je me dis, mais non, là, il est maintenant aux cieux. C'est l'habitude. Il nous a pas quittés. Un revers de la main pour balayer les larmes et pour tenter de trouver un sens à ce drame. Je garde une image du père Jacques Hamel qui nous faisait des superbes sermons bien, bien profonds. Ça nous rappelle tous qu'on doit monter vers le ciel. On a un regard différent lorsqu'on est chrétien. Donc c'est un regard d'espérance que nous portons. Aller de l'avant, c'est ce que demande à ses paroissiens le père Auguste, le curé de Saint-Étienne-du-Rouvray. Pour faire le deuil et tourner la page, il ne faut pas qu'on reste sur ce qui est arrivé. Il faut plutôt tirer des leçons et voir comment nous pouvons construire un avenir meilleur. Un mois après, l'église où le père Hamel a été assassiné est toujours fermée. Elle rouvrira ses portes le 2 octobre. 291 morts, dernier bilan du séisme de mercredi en Italie. Depuis jeudi, plus aucun survivant n'a été retrouvé dans les décombres. En football, Monaco contre PSG, premier choc de la saison ce soir pour la fin de cette troisième journée de Ligue 1. Coup d'envoi à 20h45 au stade Louis II. Ce sera, Marie-Amélie Motte, un choc au sommet à tout point de vue. Oui, même si Paris est favori de la rencontre, Monaco a de quoi titiller les joueurs d'Unai Emery. Solides défensivement, les Monégasques sont sur une bonne dynamique avec notamment leur qualification en Ligue des Champions cette semaine. Monaco est la dernière équipe à avoir battu le PSG, c'était au Parc des Princes le 20 mars dernier. Mais Paris reste le mastodonte de la Ligue 1 avec 20 buts en 7 matchs depuis le mois de juillet et ce sans Zlatan Ibrahimovic. Les Parisiens s'adaptent progressivement à la méthode Emery avec un jeu plus direct et plus de pressing que la saison passée. En cas de victoire ce soir, Thiago Motta et ses coéquipiers prendront la tête du championnat. Mais la tâche s'annonce délicate puisque 6 de leurs 8 dernières rencontres contre Monaco se sont terminées par un match nul. Et puis défaite surprise hier de Lyon face à Dijon, promu de la saison dernière, 4-2. À l'issue de la rencontre, les joueurs lyonnais ont dû essuyer la colère de leur entraîneur, Bruno Genesio. Une colère que comprend très bien le milieu de terrain Corentin Tolisso. Bien sûr que je comprends sa colère. On en est vraiment, vraiment tous déçus. Et voilà, on savait que c'était un promu qui en voulait beaucoup et qui avait des arguments. Et voilà, ils nous l'ont démontré ce soir. Tout le monde était énervé, était déçu d'avoir perdu ici. On savait qu'il fallait gagner ce match, c'était important de faire 9 points sur 9. Malheureusement, on en a pris que 6 sur les 3 premiers matchs. Donc voilà, on va essayer de se reposer, d'aller en sélection et après de revenir et de continuer ce qu'on a fait de bien lors des 2 premiers matchs. En rugby, deuxième journée du top 14 avec comme leader pour l'instant Toulouse. Hier soir, les Rouges et Noirs sont venus à bout de Bordeaux-Bègle. Mais pour Hugo Mola, le manager du Stade Toulousain, cette place de leader importe peu. Leader, pas leader, ça ne va absolument rien dire. Mais toujours est-il que gagner ces fameux 2 matchs à domicile et j'en tiens pour dire l'expression de Giroud qui refusait à l'époque Bénit de jouer 2 fois à domicile parce que c'était la probabilité était trop grande à se faire accrocher. Et vous vous rendez compte que les deux équipes qui ont joué à domicile aujourd'hui se sont fait accrocher, sauf nous, donc c'est plutôt positif. Je vous rappelle juste qu'on joue le champion de France, qu'on joue le triple champion d'Europe la semaine d'après. Non, on n'est pas gâtés, mais quand on aura sorti les fesses des ronces, je vous en parlerai, vous inquiétez pas et comptez sur moi. Et à suivre aujourd'hui, Montpellier qui accueille Clermont. Les héros de Rio au Stade de France hier soir pour le meeting d'athlétisme de Paris. 27 médaillés avaient fait le déplacement et malgré la fatigue des Jeux, le perchiste vice-champion olympique Renaud Lavillény a remporté le concours avec un saut à 5,93 m. François-Xavier de Châteaufort. Un instant magique, voilà comment Renaud Lavillény a défini sa soirée de rêve au Stade de France. Oubliez les sifflets du public brésilien aux Jeux Olympiques de Rio, le perchiste français vainqueur avec la manière et une barre à 5,93 m au premier essai a reconnu avoir rarement vécu un moment de sport aussi intense. Fatigué, épuisé par l'influx perdu au JO, Renaud Lavillény ne donnait pas cher de sa peau, mais les quelques 25 000 spectateurs l'encourageant debout à chacun de ses sauts lui ont donné l'énergie qui lui manquait pour renouer avec la victoire. Les larmes aux yeux, les poings serrés et un large sourire qui, hier soir, en disait long sur son bonheur retrouvé dans l'un de ses stades fétiches. Vous écoutez RMC, il est 9h passé de 9 minutes. L'heure pour François Sorel de s'intéresser aux pronostics. Et oui, Claire, avec un tiercé quarté quinté plus cet après-midi, c'est à Deauville, les pronostics de la Dream Team. Sébastien Darras fait confiance cet après-midi au 14 Valdaya et au 16 Feel Alive. Brahim Asloum nous conseille le 3 et la Diva. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient l'As London Protocol et le 6 Zapper Cass. Le 14, le 16, le 3, l'As et le 6. Epic Series, la course qui ne s'arrête jamais. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, le week-end des experts, 8h-10h. Votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. 9h10, le week-end des experts, l'automobile, deuxième partie, merci d'être avec nous. Jean-Luc Moreau, toujours à mes côtés, notre expert auto, bien entouré en ce dimanche matin, puisque nous avons quand même quelqu'un qui a sauvé plusieurs fois votre permis, on peut le dire maintenant ouvertement. On a quelqu'un de sérieux pour on peut le dire dans cette émission. Non. Alors, je vais vous dire la vérité, on a dit qu'aujourd'hui on racontait nos vies. Donc Rémi intervient pour moi, mais pas dans une histoire de permis de conduire. Ah. Oui. Parce que de toute façon, vous en avez plus. Pas non plus dans une histoire de délit de mœurs, hein, non plus, je vous rassure. Voilà. Sa spécialité, c'est de toute façon l'automobile. Bonjour Rémi Jossaume. Bonjour Jean-Luc, bonjour François. Maître, on va vous appeler maître. Hein. Voilà, on règle le micro. Il faut être à moins d'un mètre, maître. Apparemment. Du microphone. Et à donc, avec maître Rémi Jossaume, qui, rappelons-le, a quand même la carte Platinium dans cette émission. Hein. Il rentre quand il veut, il a droit au café gratuit et tout ça. On va évoquer un guide pour conserver son permis. Un petit guide que vous avez écrit, Rémi, pendant vos vacances ? Exactement, au bord de la piscine. Pour, on va dire... vulgariser le droit de l'automobile, le droit de la procédure pénale, pour que n'importe quel automobiliste, n'importe quel usager de la route puisse facilement comprendre s'il peut se défendre, s'il est dans son bon droit, et le cas échéant, comment contester une contravention ou contester une relation conflictuelle avec un professionnel de l'automobile. Par exemple. Je dirais même comprendre tout court, parce que le langage juridique, parfois, franchement, quand on n'est pas habitué, on peut lire des textes. Si on lit le code de la route, il y a plein de choses qui peuvent nous échapper, on est bien d'accord. Ah oui, il y a un langage extrêmement compliqué que j'ai effectivement tenté de simplifier au possible pour que ce guide soit accessible au plus grand nombre. D'accord. Alors, on parlait de code de la route. Tiens, la transition est toute trouvée. Le code de la route, il s'applique où ? Est-ce qu'il s'applique partout ? Eh bien, non, figurez-vous, le code de la route ne s'applique pas partout. Et c'est intéressant de connaître les règles d'applicabilité du code de la route parce que, d'une part, ça permet de déterminer l'application de la répression du code de la route, mais aussi les règles d'assurance, notamment les obligations de règles de priorité. Alors, ce que l'on retient de manière générale, c'est que le code de la route ne s'applique que sur les voies ouvertes à la circulation publique, peu importe que la route soit privée ou publique. D'accord, alors typiquement le parking de supermarché, alors, le code parking, de la route s'applique. Exactement, la règle de priorité à droite s'applique en cas de sinistre, eh bien c'est la règle qui va s'appliquer et que l'assureur eh bien, va s'attacher à vérifier est-ce qu'elle a ou non été respectée. Mais aussi, ce sont les règles un peu habituelles. On entend dire souvent, bah oui, j'ai pas mis ma ceinture de sécurité parce que je déplaçais mon véhicule sur le parking, ou tout autre type d'infraction. Mmh. Eh bien oui, le code de la route s'applique et l'infraction peut donc être matérialisée dans ce cadre-là. Alors, j'ai pas mis ma ceinture de sécurité sur le parking de supermarché, là je suis verbalisable, mais en revanche, je suis dans mon immeuble qui est une propriété privée où il y a un panneau propriété privée et je déplace ma voiture sur le parking de l'immeuble, là je peux pas être verbalisé. Exactement, ça a été jugé, ça a été tranché par la Cour de cassation récemment. Lorsque vous êtes dans un endroit où il y a une obligation particulière pour y accéder, donc ça va être une carte, un code, et bien là, les règles du code de la route ne s'appliquent plus, et donc sur une propriété privée, notamment d'un lotissement, ou à l'arrière, à l'intérieur de votre domaine, Jean-Luc, eh bien vous faites ce que vous voulez. D'accord. Il peut rouler à 200 km/h dans son domaine. Il peut rouler à 200 km/h. Il fait 30 km², c'est pour il ça qu'il peut rouler aussi vite. Il peut avoir un peu plus bu que de raison, du moment que, naturellement, vous êtes dans le périmètre de votre propriété. Si ça n'est pas ouvert à la circulation. Exactement. D'accord. Bon, d'accord. Parfait. Bon, alors, comme ça, c'est clair. Bon, pour aller un petit peu plus loin, on va essayer de faire taire certaines rumeurs. Par exemple, François, qui a passé son permis en 1924, pense qu'on ne peut pas lui retirer de points parce que c'était avant l'entrée en vigueur du permis à points. C'est bidon, ça. Oui, c'est bidon et c'est terrible parce qu'on en parle depuis des années et des années. On le répète depuis des années et des années. C'est des légendes urbaines, ça. Et on entend, voilà, exactement, ces légendes urbaines revenir de manière systématique. Non, le permis à points concerne tous les permis de conduire. Que ceci ait été passé avant 1992, la mise en vigueur du permis à points, ou après, ça concerne tous les permis de conduire. Il n'y a aucun intérêt à avoir eu son permis avant 1992. Non, aucun. Absolument aucun. D'accord. Très bien. Est-ce qu'on a intérêt à avoir les nouveaux permis ? Les nouveaux permis, c'est, j'allais dire, pas une question d'intérêt, c'est que de toute façon on vous l'impose aujourd'hui. C'est-à-dire que dans le cas d'une suspension, il y a plein de gens qui ont l'ancien permis, qui se disent tiens, je vais le renouveler parce que alors le renouvellement il se fera dans le cadre d'une infraction, dans le cadre d'un renouvellement de permis par exemple. D'accord. L'intérêt il est purement pratique, c'est-à-dire que effectivement vous avez une carte comme une carte de crédit aujourd'hui, donc qui prend moins de place. Il y a une date de validité. Alors que sur l'ancien permis, il n'y a pas de date de validité. Il y a une date de validité. Je sais parce que moi c'est ce que j'ai vécu, j'ai tout simplement perdu mon ancien permis et donc quand j'ai reçu mon nouveau permis, il y avait une date de validité dessus. Exactement. Alors cette date de validité, elle va s'appliquer sur tous les nouveaux permis, mais de toute façon, je pense que l'administration est dans un élan de renouvellement des permis de conduire. Pour l'instant, il n'y a pas de contraintes et d'obligations, mais alors pourquoi il n'y en a pas de contraintes? Parce que tout simplement, ils avaient envisagé dans un premier temps de mettre des puces sur les permis, notamment pour permettre aux forces de police de contrôler le solde des points, notamment avec un terminal. Instantanément. Exactement. Instantanément. Comme c'est une carte vitale, en fait. Exactement. Bon, c'est pas encore en place parce qu'il y a des difficultés techniques. Oui, financières, je crois, parce que ça coûtait très cher. Hein. Voilà, mais on va y venir dans quelques temps. Ouais. Mais alors, juste une question concernant ce permis donc qui est renouvelable. Quand il n'est plus valable pour le renouveler, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis pas obligé de repasser mon permis. A priori, non. Naturellement, sauf si vous avez plus de points, François. Non, mais ce sera pas le cas. Il faut simplement retourner en fait à la préfecture et demander le renouvellement de son permis. Oui, alors effectivement, et là, on va vous redemander un certain nombre de d'informations, notamment photographie, mais il n'y a pas de visite médicale, il n'y a pas de contrainte particulière. Et quand vous venez avec votre canne blanche et votre chien pour le renouvellement du permis de conduire, il est possible qu'on vous demande de passer une visite médicale. Tiens, d'ailleurs. Puisqu'on en parle, les lunettes, là, la vieille légende, si on a des lentilles, est-ce qu'il faut avoir des lunettes obligatoirement à la boîte à gants? Eh bien, pareil, là encore, et ce qui est là affligeant, c'est qu'il y a des erreurs dans les verbalisations. Il y a encore des gens qui sont verbalisés pour ça. Les forces de police ne sont pas à jour de leurs connaissances. Peut-être qu'ils ne voient pas bien. Peut-être aussi. Non, il n'y a pas d'obligation d'avoir effectivement une paire de lunettes dans son véhicule si vous êtes porteur de lentilles. Bon. Mais pour rebondir sur ce que disait François, il faut quand même savoir que le code de la route permet aux autorités préfectorales, sans aucun élément particulier dans un premier temps, de pouvoir soumettre quelqu'un à une visite médicale, notamment dans le cadre d'une enquête de gendarmerie. Oui. Parce que vous êtes dénoncé par un voisin qui va écrire à la préfecture, qui va dire, écoutez-moi, cette personne-là conduit dans des conditions très particulières. Ah, moi, je peux envoyer une lettre alors pour et malheureusement, pour demander et la préfecture passe une visite médicale. Et la préfecture pourrait mettre en place un examen médical. Ah bah, ils vont pas être déçus alors. C'est pas beau, attention, parce que si vous faites ça, je vous le fais moi aussi en retour. Hein. Attention. Alors, consulter ces points sur Internet, ça n'a aucune incidence? Alors, aujourd'hui, ça n'a aucune incidence. D'accord. Dans quelques mois, attention. Parce que dans quelques mois, l'administration va communiquer en incitant tous les usagers. On vous enverra un mail pour. Vous pouvez vous inscrire pour qu'on vous envoie les notifications de retrait. C'est ça. Ça s'appelle France Connect. Alors, sur le papier, ça a l'air formidable, c'est-à-dire que vous êtes informé en temps réel de la perte de points, mais attention, les délais de recours vont courir. Et si vous ne consultez pas vos mails, eh bien, la loi prévoit que cette perte de points vous est notifiée. Donc, c'est, comment vous dire autrement, que à éviter absolument. Évidemment, c'est à éviter parce que qui va consulter régulièrement ce site internet, va être attentif à ces pertes de points notifiées par email, bref, avec toutes les problématiques éventuellement de changement d'email, de spam, tout ce que vous voulez. Évidemment, c'est à éviter. Néanmoins, ayez vos codes d'accès, ce qui vous permet de temps à autre sur Internet de vérifier votre solde si tout, de points. Si tout va bien. Si tout va bien. Ouais. Et d'aller. Si on est à découvert comme Jean-Luc, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir un avocat. Ah, voilà! On en parlera tout à l'heure de la nécessité ou pas d'avoir un avocat. Bon. Au moins dans ces relations. Dans un instant, on revient et on va voir tous les moyens qu'on a pour contester certains PV. On va parler du piéton avant de parler du piéton. Ouais, du piéton. Parce que vous en avez écrasé quelques-uns encore cet été, je pense, François. Donc on va voir ce que ça va vous rapporter. Vous imaginez un petit peu l'image. Si ça vous rapporte des points. Alors si c'est des Pokémon, c'est différent, mais si c'est vraiment des piétons. Ah là là. Allez, on revient dans un instant, 9h20, c'est RMC. Le week-end des experts et l'automobile, à tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre auto. François Fillon, ancien Premier ministre et candidat à la primaire de la droite face à Jean-Jacques Bourdin, demain 8h30 sur RMC et en simultané sur BFM TV. Demain, François Fillon. RMC, Bourdin direct, 6h-10h. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Il y a des magasins. Pour 1 euro... Il vous offre un café. Et puis il y a la paire. qui pour 1 euro vous pose votre porte d'entrée. Jusqu'au 12 septembre, la paire vous offre la pose de votre porte d'entrée en alu pour 1 euro de plus. 1 euro la pose. La paire, vous pouvez chercher. Il n'y en a pas deux. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr. Découvrez Grimbergen Blonde. Ses arômes de fruits mûrs et d'épices révèlent une bière d'abbaye au goût légendaire. Grimbergen Blonde, l'intensité d'une légende. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Peux-tu me dire pourquoi tu as choisi la Freebox Révolution ? Mais bien sûr que je peux te le dire. Pour son lecteur Blu-ray inclus et ses appels vers les mobiles. Ah oui. Plus d'infos sur Free.fr ou 1044. Merci Free. Tout à l'heure, à 18h sur BFM TV, c'est BFM Politique. Et cette semaine, Apolline de Malherbe reçoit Laurent Wauquiez, le nouveau président des Républicains et président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. BFM Politique, tout à l'heure 18h-20h sur BFM TV, avec Le Parisien aujourd'hui en France et RMC. Bonne année scolaire avec Carrefour. Bon Zoé, on fait un point sur les courses, t'as ton goûter ? Oui, des princes de lu. Et ton petit-déj ? Des Chocapic. Bon bah, je crois qu'on a tout, et en plus, que des marques. Bah oui, Carrefour garantit toute l'année le prix le plus bas sur 500 produits de marque. Avec Carrefour, on commence l'année avec un 20 sur 20 en économie. Pour une bonne année scolaire, Carrefour garantit le prix le plus bas sur 500 produits de marque et vous rembourse deux fois la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Modalité sur carrefour.fr. Prince lait chocolat lu 300 grammes, Chocapic Nestlé 750 grammes. Pour votre santé, évitez de grignoter. Carrefour. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. 9h21, c'est RMC, c'est le week-end des experts, c'est l'automobile. On vous donne quelques conseils pour essayer de conserver votre permis si vous êtes en passe de le perdre. Voilà. Ça peut arriver, hein. Alors, un bon moyen de perdre des points rapidement sur son permis de conduire, c'est quelque chose qu'on connaît pas forcément. Par exemple, vous, il y a une vieille dame qui va traverser, vous arrêtez, François. Évidemment. En plus, vous avez vécu à Monaco, et c'est vrai que, à Monaco, les gens respectent scrupuleusement la priorité des piétons. Tout à fait. Voilà. Même si le port de la ceinture n'est pas obligatoire à Monaco. Voilà. Mais alors donc, c'est ça qui est étonnant. Et en revanche, en France, quand on est piéton, on a intérêt à être vigilant. Alors que si on ne cède pas la priorité à un piéton, on peut perdre des points sur son permis. Les gens ne le savent pas, ça. Non, et on perd beaucoup de points. On perd 4 points sur son permis de conduire le piéton, effectivement, est dans une zone de priorité. Alors, la règle, elle est simple. C'est que le piéton traverse là où il veut. Sauf s'il y a un passage piéton à moins de 50 mètres. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que, notamment en ville, il y a des opérations de verbalisation dans le cadre d'actions pour sensibiliser, évidemment, les automobilistes. Et c'est normal. Un piéton, c'est quand même l'usager le plus vulnérable. Plus fragile, hein, bon, néanmoins, parfois, il y a des verbalisations un petit peu excessives ou abusives. Et notamment, encore une fois, lorsque le piéton traverse n'importe comment... S'il traverse en courant, vous pouvez pas le voir arriver. Alors là, il y a un problème de responsabilité pénale et de responsabilité civile. Alors l'aspect civil est traité ensuite devant les tribunaux ou vis-à-vis des assurances. Mais sur le plan pénal, effectivement, 4 points, c'est beaucoup. Dès lors que... on ne sait pas ce que fait le piéton. C'est-à-dire qu'il peut arriver aussi que le piéton soit hésitant. Le piéton qui est, sur un début de passage piéton, est-ce qu'il est engagé ou est-ce qu'il n'est pas engagé ? Est-ce qu'il est en mouvement, pas en mouvement ? Donc, il y a un flou juridique autour de la notion de piéton engagé. Et le piéton qui est sur l'autoroute et qui chasse les Pokémon, lui, il est dans quel cas de figure ? D'abord, il est fou, parce que je pense qu'il est extrêmement suicidaire, mais évidemment, il n'est pas prioritaire. En tout cas, sachez qu'effectivement, il faut vérifier ses règles de distance pour, le cas échéant, contester une verbalisation qui est abusive. Alors, sachez néanmoins que un piéton qui commence à traverser, même si son feu est rouge, reste prioritaire. C'est prévu par le code de la route et par la jurisprudence. Même si votre feu passe au vert, du moment qu'il a commencé sa traversée, il est prioritaire. Et même si c'est sur une route où il n'y a pas de feu, où il n'y a pas de passage piéton, il est toujours prioritaire. C'est dingue ça. Non, mais il faut le savoir. Il faut savoir. Voilà, maintenant vous le savez, François. Exactement. Donc quand je traverse en bas et que vous sortez avec votre voiture, maintenant il faudra être plus prudent. Non, mais vous me gonflez mes pneus, moi, en général, quand je vous croise en piéton. J'ai cru que vous alliez vous arrêter à vous me gonfler. Contester les PV. On y va maintenant ou un petit peu plus tard? Ouais, alors le téléphone au volant. Ah, le téléphone, alors, c'est quand même un gros dossier. Un vieux classique. Alors déjà, savoir que c'est la tenue en main du téléphone, peu importe ce que vous faites avec. Quoi. Exactement, et c'est ça qui est assez incroyable. Vous n'êtes pas obligé de téléphoner. Non, c'est la tenue du téléphone en main. C'est-à-dire que vous allumez votre téléphone pour ne serait-ce regarder l'heure, vous êtes en infraction. Alors que si vous faites la même chose avec votre iPad ou tout autre type de tablette, eh ben vous n'êtes pas en infraction. C'est pas vrai. Et si, c'est invraisemblable, mais c'est comme ça. Ça c'est ahurissant. On va rappeler, c'est 3 points quand même sur le permis. C'est 3 points, 135 euros d'amende. C'est chaud. Alors aujourd'hui, ce qui est autorisé, ce qui reste autorisé, c'est le téléphone donc connecté en Bluetooth sans oreillette. Hein, c'est-à-dire que donc en mode main libre. Hein, en mode main libre, c'est-à-dire soit vous parlez au haut-parleur de votre téléphone, soit vous avez un système intégré dans votre véhicule, mais tout ce qui est oreillette, filaire ou Bluetooth, c'est interdit. Même l'oreillette Bluetooth est interdite. Même l'oreillette Bluetooth est interdite. D'accord. La seule exception, c'est pour les deux roues. On considère que dans le casque, ils ont le droit d'avoir une oreillette Bluetooth ou en tout cas un système Bluetooth intégré. Il n'y a pas d'infraction jusqu'à maintenant. Donc, et envoyer un SMS alors qu'on conduit. C'est la même chose. SMS, vous êtes en infraction, vous manipulez votre téléphone, même ne serait-ce que pour utiliser la fonction GPS, vous êtes en infraction. Alors vous que si prenez vous utilisez pour ne rien faire, vous êtes en infraction. Si vous utilisez votre GPS, en revanche, vous n'êtes pas en infraction. Absolument. Si vous avez un TomTom... Il y a une sorte de stigmatisation du téléphone en tant que tel, sauf que la loi a été faite à une époque où le téléphone était limité à la fonction téléphone. Oui. Mais parce qu'aujourd'hui, on peut avoir son téléphone qui est accroché en fait au tableau de bord, hein, simplement. Et oui, mais là, vous le manipulez pas. Là. Enfin, vous le tenez pas. On va manipuler, oui. Par exemple, pour mettre Waze en route, enfin, des choses comme ça. Alors effectivement, comme dit Jean-Luc, là, vous le tenez pas, donc l'infraction n'est pas caractérisée. D'accord. Mais à partir du moment où effectivement vous pouvez être avec un pouce dessus, oui, et un bout de paume de main de l'autre côté, l'agent qui veut vous verbalise. On et revient dans un. Oui, allez, préciser vite. Que même si on s'arrête au bord de la route avec le moteur qui tourne pour répondre au téléphone, on est verbalisable aussi. Hein. Exactement, on n'est pas verbalisable simplement quand on est au bord de la route, moteur arrêté. Ah. C'est-à-dire que vous l'utilisez au feu rouge, vous êtes verbalisable. Dans les embouteillages, vous êtes verbalisable. D'accord. Chaud. Oui, mais au feu rouge, parfois, le moteur est arrêté si on a un stop ah ouais, and non, start. Non, mais ça marche pas le stop non, ça marche start. Pas parce que là, on considère que vous êtes en circulation, François. Non. Donc, vous êtes en infraction. Zut. J'essayais si vous avez de... un moteur J'essayais électrique avec et une voiture mots. À pédale, mais ça monsieur marche. Mais monsieur l'agent, je suis en stop and start. Regardez, le véhicule est éteint. Non, ça marche pas. La météo des infos. Maître Rémi Jossomme reste avec nous. Vous avez des questions concernant le droit de l'automobile et le droit de l'automobiliste. Le 32-16. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC. Votre auto. Intermarché s'engage. Le lot de deux melons charentais jaunes les moins chers de France est à 1,38€. 1,38€ les deux melons. Mais c'est aujourd'hui seulement. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine France, soit 69 centimes la pièce au lot. Calibre 800-950, catégorie 1. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Intermarché vous rembourse la différence. Modalité et liste des magasins participants sur intermarché.com. Voilà, Madame Martin. Maintenant, vous oubliez tout votre tracas. Vous êtes détendue. Pourquoi vous sentez-vous aussi bien? Car vous avez choisi une offre gaz d'Engie. Et ça... Ça vous rend sereine. Engie a créé l'offre gaz à juste 3 ans où le prix du gaz ne peut évoluer qu'à la baisse. Souscrivez sur particulier.engie.fr. Engie, premier fournisseur de gaz en France. Offre de marché, prix fixe du kilowattheure hors taxe ajustable en cas de baisse moyenne du tarif réglementé du gaz. Voir détails sur particulier.engie.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Attention, canicule. Des risques existent pour votre santé. Le coup de chaleur et la déshydratation. Tout au long de la journée, adoptez les bons gestes. Buvez régulièrement de l'eau et mangez en quantité suffisante. Mouillez votre corps tout en assurant une légère ventilation et passez du temps dans un endroit frais. Pensez à prendre régulièrement des nouvelles de vos proches. Si vous voyez une personne victime d'un malaise, appelez immédiatement le 15. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Antoine Griezmann et Fabien Galthié. Alors Antoine, cette reprise, pas trop fatigué? Tu rigoles, une rentrée des clubs comme ça, fatigué ou pas, on se sent pousser des ailes. Ah c'est beau la jeunesse. Jusqu'au 25 septembre chez Sport 2000, les crampons de foot Nike Magista Junior sont à moins 37%, soit 24,95€. Sport 2000, ça match. Conditions sur sport2000.fr. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. Et on retrouve tout de suite donc la météo sur RMC avec Jérémy Souliman. Bonjour Jérémy. Bonjour François, bonjour à tous. Fin de la chaleur, l'alerte canicule a été levée. Place maintenant à un temps instable aux orages. Averses orageuses et coups de tonnerre ce matin du Midi-Pyrénées au centre du pays. Les orages vont ensuite se décaler en cours de journée et se retrouver cet après-midi entre l'Auvergne et le nord-est de la France. Attention notamment dans le nord-est, les orages pourraient être violents localement et surtout être accompagnés de grêle. Dans l'ouest, les frontières belges jusqu'aux Pyrénées, le ciel va rester chargé aujourd'hui. aujourd'hui et le temps variable. On attend quelques averses localisées, notamment dans le sud-ouest et sur la Manche. Les averses devraient être beaucoup plus importantes sur le massif des Pyrénées. Alors finalement, eh bien le soleil, on va le retrouver dans le sud-est et autour de la Méditerranée. Côté température, on respire. Enfin, il fait déjà entre 15 et 23 degrés sur l'ensemble du pays. Cet après-midi, il va faire encore un petit peu chaud en Alsace-Lorraine et en Provence. Partout ailleurs, les températures redescendent. On attend 26 degrés à Lille, 29 à Paris et Ajaccio, 32 degrés à Marseille, 33 à Lyon, 35 degrés pour Bordeaux ou encore Strasbourg. La météo avec agrifourniture.fr, le site de vos achats de semences et consommables pour toute l'agriculture. C'est RMC, 9h30. Un point sur l'actualité avec Claire Tchekaglini. Bonjour Claire. Bonjour. Deux meetings, deux discours et un seul objectif, la primaire à droite. Alain Juppé a fait sa rentrée politique à Chatou dans les Yvelines hier. Le préféré des sondages a taclé l'ex-chef de l'État en refusant une sorte de Guantanamo à la française pour les fichiers S. De son côté, Nicolas Sarkozy, qui était au Touquet, au campus des Jeunes Républicains, a brocardé le concept d'identité française heureuse défendu par le maire de Bordeaux. La polémique sur le burkini, dernier épisode en date, c'est la note envoyée au préfet vendredi soir par le ministère de l'Intérieur. L'exécutif demande aux préfectures de saisir les tribunaux administratifs si des arrêtés ont été pris dans leur département. Enfin, un peu de fraîcheur. Météo France a levé ce matin l'alerte orange sur l'ensemble des départements. Bison Futé, lui, hisse encore le drapeau orange dans le sens des retours. La mise en garde de la préfecture de Haute-Savoie et de la mairie de Saint-Gervais, la voie normale d'ascension du Mont-Blanc devient dangereuse en raison des chutes de pierres. Cette voie est empruntée par 17 000 alpinistes chaque été. À la Réunion, un jeune surfeur toujours entre la vie et la mort après avoir été attaqué par un requin. Il était sur sa planche alors que la baignade était interdite. Donald Trump promet d'expulser des centaines de milliers d'immigrés clandestins dès le début de son éventuel mandat. Le candidat républicain à la Maison-Blanche s'est aussi engagé à annuler les décrets de régularisation signés par Barack Obama en faveur des migrants illégaux. En football, suite de la troisième journée de Ligue 1 et le choc ce soir, Monaco contre le PSG. À suivre également Nantes qui se déplace à Bordeaux et Saint-Etienne qui accueille Toulouse. Hier, les Lyonnais ont été humiliés par Dijon, le promu de la saison dernière. Résultat 4-2. Et puis Guingamp a pris provisoirement la tête du classement après sa victoire à l'extérieur face à Nancy 0-2. En rugby, suite de la deuxième journée du top 14, Montpellier accueille Clermont. Hier, le leader Toulouse a battu Bordeaux-Bègles 22-17. A noté aussi la victoire de Toulon face à Pau 18-22. Enfin, en Formule 1, Nico Rosberg partira cet après-midi en pole position sur le circuit de Spa pour le Grand Prix de Belgique. Départ à 14h. 9h32 sur RMC. Le retour tout de suite de François Sorel. Et de Jean-Luc Moreau et de notre rendez-vous dédié à l'automobile. Merci beaucoup Claire. Dans un instant, toujours avec nous Maître Rémi Jossaume, on vous donne plein de conseils pour éviter de perdre des points. On est là pour défendre les automobilistes ce matin. Tout de suite. RMC. Si vous avez raté quelque chose, RMC a tout prévu. Tous les shows s'écoutent aussi en podcast sur les applis et sur rmc.fr. Attention Jean-Luc Moreau, une petite question flash. Si pronto. Si vous répondez pas bien, vous perdez deux points. Hein, et Maître Rémi Jossaume n'y pourra rien. C'est la question de Paul qui a une Nissan de 2010, 35 000 km. Ouais. Est-il possible de rouler au bioéthanol sans kit avec ce véhicule? C'est une 370Z. Bouah, une 370Z, ça commence à envoyer du pâté ça. C'est une voiture de sport. Vous savez, c'est un coupé de place à 370Z. C'est très sympa. Alors il y a plein de gens aujourd'hui qui tentent l'expérience. C'est vrai, quand on voit le bioéthanol, j'en ai vu hier moi qui était affiché à 62 centimes le litre. 62 centimes le litre, ça commence à être... C'est deux fois moins cher que le prix du sans-plomb. Ouais, c'est deux fois moins cher. C'est deux fois moins cher. Bon, on consomme un petit peu plus avec du super-éthanol. Et certaines voitures acceptent... Alors, jamais mettre du super-éthanol pur dans un véhicule qui n'a pas été prévu pour. Mais certains font des mélanges 50-50, ça roule. Avec la Nissan en question, je pense que ça fonctionne. Je pense que on perd un tout petit peu en performance. Mais que la voiture doit pouvoir s'en sortir. Mais surtout, ce qu'il y a d'intéressant, et d'ailleurs on fera une émission spéciale dans deux semaines pour parler de ça, c'est que enfin, puisqu'on parlait de l'égalité ce matin, on va rester dans ce créneau-là, enfin les kits E85 devraient être entre guillemets légalisés. Jusqu'à présent, on avait le droit de les vendre, de les installer. On en parlait avant les vacances d'ailleurs. Voilà, mais on n'avait pas le droit de rouler avec. Normalement, il devrait y avoir une circulaire avant la fin de l'année. On va parler de ça dans 15 jours. Vous verrez que ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant à double titre parce que c'est un moyen de polluer moins. Et surtout, c'est un moyen de rouler moins cher. Exactement. Voilà, vous pouvez. J'imagine que le kit, on doit l'amortir en quelques mois. On l'amortit relativement rapidement. Bon, un kit, ça vous alentour de 600 euros. Je parle d'un kit de bonne qualité. On peut en trouver les moins chers, mais ça vous alentour de 600 euros. 600 euros montés. 100 € montés. D'accord. Donc ouais. Avec un prix du carburant deux fois moins cher, ça va très, très vite. 30 000 km, c'est mort. Ouais. 32-16 hein, pour toutes vos questions auto sur RMC. On vous attend. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 732-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, le week-end des experts. 8h-10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Il est 9h35, le week-end des experts, l'automobile, jusqu'à 10h comme chaque dimanche. Jean-Luc Moreau m'accompagne tout à l'heure en compagnie de Céline Kastner. On évoquera les nouveautés de la rentrée. Il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses voilà. Et puis il y a des choses un petit peu moins bonnes. Bon, bah, comme d'habitude. Bah oui, bah, ça c'est normal. Et puis en compagnie de Stanislas Laroumet tout à l'heure, journaliste pour le magazine Automoto, on s'intéressera à l'actualité de la semaine qu'on a pu lire sur automoto.com. Voilà, alors avant une petite question quand même de Jérémy S, une question totalement... Jérémy S. Ça n'a pas de rapport avec quelqu'un qui aurait pu faire la météo juste avant, toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé. Oui, et fortuite, voilà. Comme on dit. Et rappelons que nous avons toujours avec nous Maître Rémi Jossaume, oui. Qui défend l'automobiliste. Exactement. Rappelons-le. Donc Rémi, je m'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence sur l'autoroute pour téléphoner. Là, ça coûte combien? Alors ça coûte cher. Ça coûte cher. Bah, il y a d'abord l'usage du téléphone. Ouais, et ensuite, voilà. Il y a l'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence, qui, je le rappelle, est une voie de circulation, enfin, ou plutôt d'arrêt réservé à ceux qui sont tombés en panne. Oui. C'est l'urgence, en fait. C'est l'urgence. On n'a pas le droit de circuler sur la bande d'arrêt d'urgence. D'accord. On doit s'arrêter parce que son véhicule s'arrête. Alors, si on est en panne d'essence, par exemple, on doit pas être sur la, on peut être verbalisable, hein. On peut être verbalisable, effectivement, parce que c'est quelque chose qu'on est censé pouvoir anticiper. Exactement. Et si on a une panne. Il vaut mieux s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence que sur la voie de gauche. Si on n'a plus d'essence, vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous donner un petit truc d'ailleurs. Si vous tombez en panne, bon, sauf si c'est électrique, mais si vous avez une panne A ou B et que vous n'êtes pas sur la bande d'arrêt d'urgence, vous avez encore un moteur qui fonctionne en général sur la voiture. Vous mettez en première et vous donnez un coup de démarreur. Votre voiture va avancer. Bon, évidemment, faut embrayer, hein, faut pas rester débrayé, mais vous mettez la première et avec le démarreur, ça peut. Ouais, mais on doit bouger la batterie, non? Enfin, ça, on doit vider la batterie. Attendez, c'est ça où vous êtes mort, sur la file de gauche, donc vous choisissez, hein. Oui, c'est clair. Non, puis ça bousillera pas, non. Très honnêtement, ça bousillera rien du tout. Donc c'est une solution pour s'en sortir. Jean-Luc, avant de reposer quelques questions à notre invité Rémi Jossaume, nous avons Loïc. Et vous savez que les auditeurs sont prioritaires, même par rapport à vous. Tu peux téléphoner par contre. Oui, vous pouvez téléphoner. Pas sur la bande d'arrêt d'urgence. Tout de suite. Pas comme Jérémy en revanche. Loïc, bonjour. Bonjour Loïc. Bonjour messieurs. Bienvenue Loïc. Merci, c'est gentil. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Alors en fait, moi j'avais une question parce que ça tombe très bien qu'il y a un maître qui est sur le plateau. En fait, moi en 2004, je me suis inscrit au permis, donc j'avais une acuité visuelle correction, enfin avec une correction 3 et 2. Donc j'ai 5 en tout, hein, au niveau visuel. Et donc l'auto-école, donc j'y vais et en fait je m'inscris. Et donc il m'accepte et je passe mon permis. Bon, avec un peu de difficulté parce que bon, conduire en nuit c'était un petit peu compliqué. Donc ils m'ont dit ouais, on va apprendre un parcours par cœur pour l'examen, ça va. Donc c'est ce qui s'est passé la première fois. J'ai fait une petite bêtise, donc j'ai raté mon permis. Et puis dans la foulée... ils m'ont fait rapidement passer la deuxième fois. Et je me suis retrouvé avec une jeune fille qui avait aussi un petit problème visuel, mais bon, elle avait soi-disant le droit de le passer aussi. Et comme par hasard, la monitrice, elle me fait « Oui, regardez bien autour de vous, parce qu'on sait jamais si on vous demande de lire une plaque minéralogique. » C'est marrant, parce que 10 minutes après, quand j'étais dans la voiture, l'inspectrice, elle me dit « Est-ce que vous pouvez me lire la plaque, là-bas ?» Je fais « Bah non, je peux pas. » Elle me dit « Bah, ça commence bien. » Et puis en fait, on est parti. Puis moi, j'étais super stressé à cause de ça. Ouais. Et donc, je l'ai raté. Et la dame me regarde et puis elle me fait « Non, mais de toute façon, je vous envoie à la préfecture parce que là, il y a un souci. » Et donc, je vais à la préfecture. Et là, on me dit à la préfecture « Bah non, vous êtes refusé au permis. Vous n'avez pas le droit de le passer. » Parce que vous n'avez pas une assez bonne acuité visuelle, c'est ça ? Et moi, ce que je voulais demander à Maître, c'est que est-ce que, ça se trouve, il y a des gens comme moi. Hein, oui, bien sûr, évidemment. Est-ce que justement, l'auto-école doit normalement faire passer cette visite à la préfecture pour se dégager en disant « Ah non, finalement, non, vous n'avez pas le droit. » Donc, en fait, moi, je me suis retrouvé avec 2000 euros que j'ai perdus. Ouais. Et en fait, je voudrais juste savoir aussi, est-ce que je peux encore me retourner contre eux? Alors bonjour Loïc, effectivement votre histoire est assez surprenante. Ah ouais. et elle est assez affligeante, notamment par rapport au comportement de l'auto-école, qui là pour moi a clairement manqué ses obligations, d'abord contractuelles, parce qu'elle a quand même une obligation de conseil et d'information, et que je trouve quand même pour le moins surprenant qu'elle vous soumette aux examens sans avoir vérifié que vous aviez une aptitude physique pour obtenir votre permis de conduire. C'était toujours 2000 euros de prix, je pense. Non. Bien sûr. Enfin, en tout cas, c'est clair. Hein, c'est 2000 euros de prix pour eux. C'était en 2014 ou 2004, vous avez dit ? Non, non, en 2004. Et en plus, c'est un grand groupe d'auto-école. Hein, si vous... Enfin, moi, ça me dérange pas de le citer, mais franchement, après, la personne a dit non, mais nous, de toute façon, nous, on a 80% de réussite sur Mulhouse. Il y a pas de souci. Et donc, ce groupe, j'en ai rien à foutre. Excusez-moi du terme, mais là, c'est Euroleader qui se croivent les plus grands sur sur Mulhouse où j'habite. Hein. Et donc, résultat des courses, bah voilà. Maintenant, moi, je suis interdit de permis à vie, quoi. Parce que bah, à la préfecture, j'aurais beau passer, et en plus je paye hein, quand je vais à la préfecture, si je veux la repasser, je paye à chaque fois 20 euros la consultation pour que les gars ils me disent bah non, vous êtes bloqué, c'est interdit, point la ligne, quoi. Alors Loïc, je pense qu'il est trop tard malheureusement en raison des délais pour se retourner contre l'auto-école. Et parce qu'il y a 11 ans, il y a 12 ans. Voilà, exactement. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est de déclarer cet incident à la préfecture. Parce que les auto-écoles ont des agréments, et je pense au moins qu'ils se fassent taper sur les doigts. La moindre des choses, c'est que la préfecture et les autres usagers aussi puissent surtout qu'ils aient dit à lui qu'on va apprendre le parcours par mais même ils auraient pu même y penser, puisque en fait c'est le l'inspecteur qui, lorsque Loïc passait son permis, qui a dit il y a un problème. Bien sûr, mais ils auraient pu remonter jusqu'à la source de l'auto-école. En plus, surtout que moi j'ai été honnête, hein, c'est-à-dire que on m'a demandé à l'institution, oui. Elle m'a dit est-ce que vous avez justement des lunettes, est-ce que vous avez... J'ai dit bah, écoutez, j'ai ça comme acuité visuelle, je voulais pas, surtout que je suis marié, j'avais des enfants, je voulais pas mettre la sécurité de ma femme et mes enfants en jeu. Donc j'ai dit, si j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Elle fait, non, on va regarder, non, ça passe, il n'y a pas de problème, c'est bon, ça va aller, on va tester, on verra bien. Et puis voilà. Ouais. Mais moi, c'est vrai que je me sentais pas spécialement à l'aise. Ouais, mais bon, je comprends. Me suis dit, peut-être qu'à cause de ma vue, bon, bah voilà, je vais pouvoir quand même me débrouiller en faisant quand même très attention. Loïc, mais... comme l'a dit maître, je pense qu'il faut retourner à la préfecture et signaler ce cas pour absolument. Dire, ben voilà, écoutez, cette auto-école n'a pas fait son travail. Exactement. Et surtout m'a encaissé 2000 euros. Merci en tout cas pour votre appel. On a un autre appel, Jean-Luc. C'est Claude. Claude. Qui est là. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Vous écoute. J'ai eu un problème au sujet des points. Je passe en sous-préfecture pour savoir exactement les points que j'avais. Habituellement, j'en avais 12. Et on me dit subitement, vous avez, monsieur, 6 points. Ah bon ? Oui, vous avez été pris en infraction à Arras en 2013, et avec un taux d'alcoolémie hors norme, et on m'a enlevé 6 points. Donc ce monsieur qui a été pris, en fait, s'appelle exactement, elle porte le même nom que moi et le même prénom. Mais il n'est pas né le même jour, donc il y a fatalement, il n'a pas le même numéro de sécu, enfin, voilà. La sous-préfecture ici, quand même, m'a donné un petit peu, enfin, l'extrait du procès, qui s'est passé au tribunal d'Arras, oui. Et évidemment, l'immatriculation du véhicule ne correspond pas. Oui, donc là, c'est simple, c'est une erreur administrative, on est d'accord. Oui, alors que faut-il faire? Mais ce monsieur, vous l'avez rencontré, vous savez où il est? Ah non, pas du tout, il est décédé en 2014. Ah, en plus. Ah ouais. Donc, à la limite, il s'en fout, lui, d'avoir perdu 6 points, finalement. Il fait le mort. Aucun problème. Ouais, d'accord. Incroyable. La sous-préfecture m'a dit, allez voir la préfecture. La préfecture me dit, en hauteur, me dit, mais non, monsieur, il faut porter plainte. Contre qui? Alors, attendez. Il faut prendre un avocat, là, pour le coup, Rémi. Alors, bonjour, Claude. Alors, écoutez, votre histoire malheureusement me fait sourire, mais elle me rappelle une histoire que j'ai vécue, que j'ai plaidée il y a quelques années, où il y avait une erreur administratif comme cela, assez étonnante. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'écrire au ministère de l'Intérieur. Vous avez tous les éléments en main, c'est-à-dire que vous avez l'extrait de jugement qui permet de démontrer que vous n'étiez pas la personne concernée. Donc vous écrivez au ministère de l'Intérieur en recommandé, avec tous les justificatifs, et vous demandez à ce qu'on vous réattribue les 6 points. L'administration a 2 mois pour vous répondre. Si elle ne vous répond pas ou si elle le refuse, à mon avis, ça va bien se passer. Eh bien, vous saisissez le tribunal administratif et le cas échéant, vous demandez hors antenne mes coordonnées, je le ferai bien volontiers pour vous. Oh, c'est gentil. Mais est-ce que Claude, là, puisque c'est une erreur administrative, ne peut même pas demander des dommages et intérêts parce qu'il a subi un préjudice, là? Si, il pourrait effectivement demander des dommages et intérêts à l'administration. Alors, le préjudice, il est réduit parce qu'en fait, il perd 6 points, il va récupérer 6 points. Le vrai préjudice, c'est si, par exemple, s'il avait perdu son permis. Voilà, exactement, avait été invalidé. Et oui, on obtient des indemnisations. D'accord. Oui, finalement, ça n'a pas eu de conséquence. Non, il n'y a pas de conséquence. Sur son quotidien, finalement. Il n'y a pas un préjudice moral énorme de voir son permis de passer de 12 à 6 et de remonter de 6 à 12. Bon, c'est temporaire, mais faites les choses rapidement. Et encore une fois, sinon vous me contactez, je le ferai bien volontiers. Parce que vous êtes face à une administration qui prend du temps, qui reconnaît mal ses erreurs. Voilà, donc vous avez tous les éléments, notamment avec l'extrait de jugement, ça devrait suffire. Jean-Luc, on revient dans un instant. Il est 10 ans moins le quart. 32-16, bien sûr, pour nous joindre. A tout de suite, c'est le week-end des experts et c'est l'auto. Le week-end des experts sur RMC, votre auto. RMC, ce week-end, un nouveau pilote français, Esteban Ocon, débute en Formule 1 Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique. Aujourd'hui, dès 14h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. Ah, si j'avais le Samsung Galaxy Note 7, je me sentirais important, créatif, artiste. Du 16 août au 1er septembre, le Samsung Galaxy Note 7 est déjà en précommande chez Darty. Profitez-en. Avec le smartphone, Samsung vous offre le casque de réalité virtuelle Gear VR. Samsung Galaxy Note 7, le smartphone qui voit les choses en grand. Voir conditions en magasin ou sur darty.com. Intermarché s'engage. Le lot de deux melons charentais jaunes les moins chers de France est à 1,38€. 1,38€ les deux melons. Mais c'est aujourd'hui seulement. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine France, soit 69 centimes la pièce au lot. Calibre 800, 950, catégorie 1. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Intermarché vous rembourse la différence. Modalité et liste des magasins participants sur intermarché.com. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. Encore un petit quart d'heure, Jean-Luc, à passer ensemble, dédié à l'automobile, comme chaque dimanche, vous le savez, le week-end des experts auto, c'est 8h-10h chaque dimanche sur RMC, toujours avec maître Rémi Jossaume, qui s'apprête à sortir, Jean-Luc, un livre qu'il va falloir que vous lisiez en intégralité. Eh bien, alors, c'est là que je vous attendais au tournant, je l'ai lu en intégralité. Déjà ? Eh oui. Bravo. Je l'ai lu en exclusivité, en intégralité, oui, cette semaine. C'est sorti ou pas ? Oui, alors non, c'est pas sorti, c'est écrit, ça sort quand, Rémi ? Il faut allumer le micro de Rémi. En papier, ça sort dans quelques jours. D'accord. Mais c'est déjà accessible sur le site du particulier.fr. Donc leparticulier.fr, c'est accessible en version numérique, téléchargeable, qu'on peut même conserver sur son ordinateur, qu'on met au bord. Ouais, c'est pratique ça. À côté, sur sa tablette, siège, ou voilà, sur son truc. Ou sur le véhicule, enfin à côté du véhicule. Alors, on vous a mis le lien sur la page Facebook de Votre Auto. D'accord. Sur RMC. Votre Auto sur RMC, vous cliquez sur J'aime. Il y a le lien pour télécharger votre bouquin. Exactement. Qui coûte combien? 15€ et quelques centimes. Voilà, conservez votre permis, le guide pratique, PV, radar, assurance, points, etc. aux éditions Le Particulier. Et ce qu'on va faire, François, c'est pas une mauvaise idée, c'est que comme Rémi maintenant a sa carte Gold, ouais. On va lui envoyer une convocation chaque mois, hein, pas une invitation, une convocation pour faire une libre antenne. Exactement, consultation, ouais. Libre antenne juridique. On en parlait avec Maître il y a un instant. Ben voilà. Allez, donc ce qu'on va faire, c'est que si vous avez des questions, on va les compiler. Tout hein, à fait. On se les gardera sous le coude. Et puis on se fera comment sauver. Exactement. Comment sauver le permis de François S. Voilà, ça sera une émission tous les mois. Une heure dédiée à la défense de l'automobiliste et on se rend compte qu'il y a énormément de sujets et parfois des histoires abracadabrantes, hein, quand on vient d'avoir notre auditeur à l'instant. Maître, vous restez avec nous. On accueille Céline Kastner maintenant, directrice du service juridique et des politiques publiques de l'Automobile Club Association. Bonjour, bonjour Céline. Bonjour Céline. À tous. Alors, bonjour. Alors on va parler des petites nouveautés de cette rentrée. Alors une nouveauté, bon, c'est depuis le 1er juillet, mais le bon vieux timbre amende qui était si cher à François a disparu. Il pourra plus en coller à la volée sur ses petits papiers verts qu'il avait sur son pare-brise. C'est fini ça. Oui. Alors effectivement, depuis le 1er juillet, le timbre amende à coller n'est plus possible pour payer les amendes, celles qui sont issues de contraventions qui sont constatées par le système automatisé, donc les flashs radars, feux rouges, ou suite aux contraventions dressées avec le fameux appareil électronique dont dispose aujourd'hui la police. Ouais, dont dispose presque tout le monde, puisqu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient mettre beaucoup plus de PV, et donc oui, ils ont rapidement adapté le système. Exactement. La police et la gendarmerie nationale en sont tous équipés. Ensuite, au niveau des polices municipales, c'est un petit peu la discrétion des villes, mais qui ont très vite compris l'intérêt d'équiper leurs forces de l'ordre municipal par ce type de dispositif. Donc pour ces contraventions-là, plus le timbre amende à coller, Ça reste en vigueur pour les PV qui sont encore constatés manuellement via le fameux carnet à souche, mais ça reste résiduel. Mais par contre, le timbre amende dématérialisé, lui, continue effectivement à être envisagé auprès des débitants de la BAC qui sont agréés. D'accord. Alors, depuis le 1er janvier 2015, on a le libre choix du réparateur en cas d'accident. Une nouveauté à partir du 31 août donc de cette semaine, c'est qu'on doit vous signifier que vous pouvez choisir votre réparateur. De quelle façon ? Alors effectivement, c'est la loi Hamon, la loi consommation, qui a, on va dire, acté la liberté pour l'assuré de choisir son réparateur et d'en être informé par sa compagnie d'assurance. Alors au moment de la signature de son contrat d'assurance, mais aussi au moment de la déclaration de sinistre si malheureusement un accident arrive. Alors ces dispositions-là sont en vigueur depuis les contrats qui sont signés et reconduits après la publication de cette loi, donc effectivement mars 2014. Il manquait pour l'information concernant la déclaration du sinistre un arrêté qui est paru. Et donc effectivement, à partir du 31 août, donc mercredi, si vous avez un accident et que vous le déclarez à votre compagnie aura l'obligation, dès le premier contact avec vous, de vous signifier de manière tout à fait claire le fait que vous avez le choix de choisir effectivement le réparateur de votre véhicule qui va s'occuper de votre voiture accidentée. L'information, elle peut être donnée, on va dire concrètement, par téléphone oralement, mais dans ce cas-là, elle devra nécessairement être confirmée par soit un SMS ou un mail, ou enfin, en tout cas un écrit. Donc, on sera prévenu, voilà. À partir du 1er septembre, donc c'est jeudi, hein, c'est ça, à partir du 1er septembre, bah le contrôle technique pollution, alors il ne change pas encore, mais on expérimente les nouvelles mesures de contrôle pollution qui rentreront en vigueur à partir de janvier 2019. Ça se fait dans quelques centres pilotes, c'est ça, il y en a 19, je crois. Oui, la liste est disponible sur notre site. Alors effectivement, il y aura une phase d'expérimentation du 1er septembre au 1er mars 2017. Alors évidemment, le scandale récent de Volkswagen et la polémique de manière générale sur les questions des émissions polluantes n'y est pas étranger. Là, concrètement, le contrôle technique, quand vous y passez, on mesure l'opacité des fumées de votre échappement, mais pas le détail des émissions polluantes. Oui, donc on mesurera sur les diesels les émissions polluantes. Ça sera l'objet de l'émission de la semaine prochaine où on parlera de ce nouveau contrôle technique pollution. On vous expliquera de quelle façon il va être fait, quels seront les résultats, quels seront les risques ou quel est l'intérêt aussi pour l'automobiliste de comment ça fonctionne. Vous saurez absolument tout et même des choses que vous ne pourrez pas entendre ailleurs puisqu'on aura les gens qui ont inventé ce nouveau contrôle technique donc qui sont avec nous en studio. Donc merci beaucoup Céline. Merci Céline. Merci, bonne journée. Merci et nous allons maintenant enchaîner avec notre rendez-vous en collaboration avec le magazine Automoto et nous avons Stanislas Laroumet avec Bonjour, nous. Bonjour monsieur Stanislas. Bonjour. Bonjour Luc. Alors vous avez eu de la chance pendant vos vacances, vous avez roulé en GTI avec toutes les GTI du marché. C'est encore à la mode d'ailleurs ça les GTI ? Eh bien on ne sait pas vraiment, donc on les a un peu réunis dans la Creuse. D'ailleurs je veux dire au passage que la Creuse c'est magnifique et c'est parfait pour utiliser ces GTI. On avait 4 GTI. Il y a moins de gendarmes, c'est ça que vous vouliez dire ? Non, il y a surtout et puis il n'y a pas beaucoup de gendarmes. Mais on avait des super GTI comme la Leon Cupra, la Ford Focus RS et la 308 GTI et la Civic Type R. Et on s'est vraiment régalé. Alors, la mieux, c'est quoi ? On va faire vite. Bah, la mieux, moi, je vais vous dire, j'étais un tout petit peu déçu. Tout le monde en avait plein la bouche sur la Ford Focus RS et j'étais un petit peu déçu parce que je la trouve moins polyvalente que les autres. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour la Civic Type R parce que c'est la plus attachante. Ça faisait, Honda n'avait jamais fait de moteur turbo-essence, sauf sur un modèle, si je me souviens bien, dans les années 80, uniquement commercialisé aux États-Unis. Donc une Honda turbo, ça marche très très bien. Et la Leon est très très très polyvalente. Et puis évidemment, il reste la Peugeot, qui est la moins puissante des quatre, mais qui est extrêmement efficace et en fait tout de même arrive à allier un bon confort avec des performances absolument ahurissantes. On est sur des engins qui sont proches des 300 chevaux pratiquement toutes. Ça va de 270 à 350 pour la Focus RS. Et la Focus qui malheureusement est selon nous à Automoto la moins confortable, celle qui a le plus petit coffre. Mais c'est quand même la meilleure sur circuit, évidemment, la plus performante. Ouais, mais on fait la trimotrice. Qui fait du circuit avec ce genre de voiture. Alors, les GTI sont à la mode et Peugeot a même décidé de cuisiner toute sa gamme à la sauce GTI. C'est une des infos de la semaine. Alors, GTI, GT Line et GT, il faut bien différencier les trois, pardon. GT Line, c'est que du style, c'est-à-dire de la castillage pour faire croire qu'on a une voiture plus sportive. Ça existe déjà, sur les 308, 208, 2008 et même 508. GT, c'est les moteurs un peu plus puissants qui malheureusement n'existent qu'en diesel sur la 508 par exemple, mais en essence et en diesel sur la 308. Et bientôt sur le futur premier 8 qu'on attend malheureusement qu'en diesel aussi. Et puis les GTI qui sont les vraies sportives, comme la 208 GTI, la 308 GTI. On attend évidemment un 3008 GTI qui pourrait être hybride rechargeable d'environ 300 chevaux, donc essence plus moteur électrique. Et pourquoi pas une 308 SW, donc break GTI, qui serait alors une concurrente des Seat Leon ST Cupra et Ford Focus SWST. Ça fait beaucoup de lettres tout ça, mais... c'est vrai, ça en fait pas mal. Bon, on a compris que les GTI, ça allait redevenir à la mode. Alors, pour ceux qui n'ont pas les moyens ni l'envie de rouler en GTI, oui, vous avez un petit comparatif. Alors là, pour le coup, très accessible. Entre une star du marché qui est déjà là depuis un petit moment, c'est le Dacia Duster. C'est vrai que c'est le SUV le plus accessible. Et puis, une concurrente qui n'est pas directement SUV, mais qui peut lui tailler des croupières, qui vient de chez Fiat, la Tipo 5 portes. Exactement. Alors on a eu, c'est assez drôle parce qu'on a eu énormément de commentaires sur YouTube où la vidéo est diffusée, et en disant mais comment peut-on comparer une Fiat Tipo avec un Dacia Duster? Parce que les gens dans leur esprit quand même, un Dacia ça reste très low cost et Fiat pas encore, enfin en tout cas pas pour le moment. Et d'ailleurs chez Fiat ils parlent de voiture essentielle et je pense qu'une Dacia c'est aussi une voiture essentielle. On réfute le terme low cost. Alors évidemment elle se compare pas complètement, mais en fait, elle s'adresse à peu près aux mêmes personnes, c'est-à-dire aux personnes qui ne veulent pas mettre tout leur argent dans leur voiture, à savoir un Dacia Duster que nous avons comparé à la Fiat Tipo. C'était une version très haut de gamme à 17 600 euros, et la Tipo, elle, est plus chère, pratiquement 4 000 euros de plus, qui vaut à peu près 20 900 de mémoire, plus de 4 000 euros d'écart. Mais ce n'est pas vraiment les mêmes voitures. En revanche, pour moi, elle s'adresse aux personnes qui ne veulent pas mettre tout leur argent dans leur voiture. Ouais, et cette Fiat Tipo, elle vous a séduit a priori, c'est ce que j'ai vu en tout cas sur la vidéo, vous aviez l'air plutôt satisfait. Oui. Bah, je pense que si on compare, c'est vrai que si on compare la Tipo à une Volkswagen Golf ou une Peugeot 308, elle aura du mal à lutter. Mais en face revanche, à la Dacia, là ça a du sens. Dacia, évidemment, le problème du Duster, c'est qu'il commence à être assez vieux, donc en termes de sécurité, notamment en crash test, il est dépassé. En termes d'équipement de sécurité, il ne propose rien. Et en termes d'équipement de confort aussi, il n'y a rien d'automatique, comme il n'y a même pas de clim automatique. Alors que la Fiat propose tout ça, c'est une voiture beaucoup plus moderne, la Fiat. Oui, bien sûr. En revanche, le Dacia est beaucoup moins cher et il peut aller dans les chemins et il peut aussi avoir une transmission à 4 roues motrices. La Fiat répond avec 3 carrosseries disponibles, 4 portes, 5 portes et break. Donc ça, c'est pas mal. Parfait, merci beaucoup Stanislas. Merci Stanislas. Merci. Journaliste donc pour le magazine Automoto. Et puis si vous voulez voir le nouveau radar sur automoto.com, vous pouvez, il s'appelle le True Speed, vous allez voir, ça va être génial. Le True Speed. Et il est beaucoup moins cher, donc tout le monde pourra en avoir un dans sa poche. Enfin, c'est génial. Tous les gendarmes, tous les policiers pourront en avoir un. Bah, vous pouvez toujours en acheter un, vous pouvez toujours contacter le fabricant. Je sais pas à quoi ça va vous servir, mais... Pour mesurer la vitesse des forces de l'ordre, ouais. Ça pourrait être pas mal, ça. Bah ouais. Vous pouvez mesurer la vitesse des. Ou alors, moi, j'aimerais bien, par exemple, visualiser la vitesse de la voiture de Serge Chimon. Ça serait pas mal, ça. Ah ouais. Non? Ouais. Parce que parfois, je pense que je pourrais avoir quelques bonnes surprises. Excès de lenteur, vous croyez? Comment ça va, Serge? Bonjour, Serge. Ça va très bien, je vous écoute, c'est toujours un bonheur, évidemment. Ah, c'est vrai, c'est sympa, ça, Serge. J'adore quand tu commences comme ça avec des petits mots gentils. Oui, ça va, les amis. Oui, mon loulou. Oh, je t'ai vu à la télé tout l'été, t'étais beau, Serge. C'est gentil. Ah, donc, c'était pas lui, alors? C'est gentil, joli. Plaisanté. Serge, on se retrouve dans un instant pour les GG. Dans quelques instants, effectivement, à parler un petit peu football, en posant déjà la question, qui sera le dauphin du Paris Saint-Germain qui semble inexorablement condamné à gagner cette L1, Monaco ou Lyon derrière? Et puis, on va parler évidemment du meeting de Paris hier qui a eu lieu juste après les JO avec de grandes désillusions. Ces compétitions d'après JO ont-elles un sens? Et puis, Esteban Ocon, ça vous parle ça, les amis, vous qui aimez la voiture? C'est un petit jeune pilote qui a tout gagné d'ailleurs dans sa carrière auparavant. C'est et qui démarre en F1 à 19 ans, c'est ça? Exactement. Est-ce la future star de la F1 française? Moi je le pense. Je l'ai vu rouler et je pense que ça sera un futur champion du monde. Eh ben voilà, c'est dit. Mais t'as qu'à rester, ça sera vers 12h, mon petit Kiki. Mon les GG du sport dans un instant avec Serge Chimon, Christophe Cessieux. Bon dimanche. Et moi j'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Salut à tous. Le week-end des experts sur RMC, votre auto. Le nouveau show foot d'RMC, Team Dugas, la génération 98 s'installe tous les jours de 18h à 20h sur RMC. En défense, le bœuf du micro. Au milieu, petit Roten. Et en attaque, devinez qui? Votre serviteur, Christophe Dugarry. Ça commence à faire une belle équipe tout ça, non? Le nouveau show foot d'RMC, Team Dugas, demain 18h 20h sur RMC. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Il y a des magasins de fenêtres. Niveau choix, c'est vite vu. Et puis il y a la paire, avec ses fenêtres PVC disponibles en 156 coloris et dans toutes les tailles. Et jusqu'au 12 septembre, la paire vous offre jusqu'à 25% de remise immanquable sur les fenêtres sur mesure PVC. Moins 25% sur les fenêtres sur mesure. La paire, je vous le dis, il n'y en a pas deux. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. À partir de 4 fenêtres PVC, conditions sur lapaire.fr. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, apprenez le sens des affaires avec Jeff Schwartz, le roi des liquidations. Il vend et achète tout ce qui bouge. Ne pas négocier avec lui, c'est pas négociable. Le liquidateur, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte, plus fort que la fiction, Canal 24. La météo des plages avec les hôtels première classe. Passez une bonne nuit sur la route des vacances. 9h59, dans quelques instants les informations, mais vous avez peut-être encore la chance de pouvoir aller à la plage aujourd'hui. Alors un petit tour du côté de la météo des plages avec Jérémy Soliman. Bonjour Jérémy. Bonjour Serge. Eh bien globalement, le soleil va encore dominer le long des côtes françaises aujourd'hui. Normalement, quand même, soleil timide sur les plages de la Manche et Bretonne aujourd'hui. Quelques gouttes à prévoir en Bretagne et en Normandie au cours de la journée. Du coup, l'indice UV stagne entre 2 et 4. La mer est fraîche entre 16 et 20 degrés. À Saint-Malo par exemple, l'indice UV 4, 26 degrés sur le sable, 20 degrés attendus à les pieds dans l'eau. Sur la façade atlantique, le soleil sera un petit peu plus présent. De belles éclaircies sont attendues, encore plus en se rapprochant du sud. Indice 4 à 5. Côté UV, l'eau sera un petit peu plus chaude entre 18 et 22. 22, c'est la température dans l'eau à la Lacanau. Bronzette assurée avec 26 degrés sur la serviette. En Méditerranée et en Corse, du soleil et encore du soleil. On sort définitivement la crème solaire. Indice 6, 7 côté UV, 22 à 25 degrés dans l'eau. À Porto Vecchio, un beau soleil avec 29 degrés pour l'air, indice UV à 7 et 25 degrés dans l'eau. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. RMC, 10h01, dans quelques instants, Christophe Cessieux et moi-même vous présentons les grandes gueules du sport pour 3 heures de débat. Tout de suite, le temps du journal, présenté par Guilhem de Prévoisin. Bonjour Guilhem. Bonjour Serge, bonjour à tous. La primaire du centre et de la droite tourne au duel entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Les deux candidats se sont affrontés par discours interposé à 3 semaines de la primaire. Alain Juppé a fait sa rentrée hier à Château près de Paris et Nicolas Sarkozy était lui au Touquet. L'ancien président s'est posé en rassembleur et entend préserver l'unité de la famille. Alain Juppé, favori dans les sondage est décrit comme l'homme de la situation. Aujourd'hui, c'est au tour de François Fillon de faire sa rentrée avec un meeting dans la Sarthe. À l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon a choisi Toulouse pour faire sa rentrée politique. Dans l'actualité également, la France respire. Météo France a levé l'alerte canicule sur les 43 départements, mais 68 départements restent en alerte jaune. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, appelle à la vigilance, car il fera encore chaud dans l'Est avec